Bonsoir à tous, bienvenue, il est un petit peu plus de 19h45. Un petit peu à la bourse ce soir, on est bien sûr, on sort quand c'est toujours pour la réserve du sport, bienvenue à vous qui nous écoutez, alors pas ce soir sur la FM puisqu'on a un souci de FM ce soir, voilà, donc pas possible de nous écouter sur la FM, en revanche vous écoutez bien sûr sur le site radioarc-en-ciel.fr, sur le satellite et l'émission de toute façon qui est sera en podcast demain. Grâce à Florent qui lui va nous enregistrer l'émission pour ce soir. Ce soir avec moi en studio, en plateau, Christophe et Sylvain qui sont avec moi. Salut les gars. Salut Rémi. Salut Rémi. Comment ça va? Très bien et toi? Ça va. Merveilleusement bien. Très bien. Voilà, ça fait plaisir de vous avoir ensemble. Enfin en studio, depuis le temps qu'on en parlait. En tout cas, on va avoir un programme, on va détailler tout de suite avec du foot, bien sûr. Il y a des choses à dire en foot. Ah oui. Ah oui. On va parler de la Coupe de France. C'était vendredi, avec le titre pour Paris. On va parler de la Coupe de la Ligue vendredi, avec peut-être un autre titre pour Paris, ou pour Lyon. On va parler d'Mbappé aussi, qui manquera très probablement la Ligue des Champions. Mauvaise nouvelle pour Paris. Oui, bien sûr. La Ligue des Champions ou juste le premier match? Enfin, ah. Éventuellement. Ah, est-ce qu'il manquera que le quart? Peut-être. Ah bah, ça fait des années qu'il manque le quart. Prends le bus, lui. Oui, justement. Donc, on en parlera. La fin des championnats en Angleterre, ça y est, c'est fini. On connaît tous les Européens de tous les championnats, sauf en Italie où c'est pas encore terminé. Et puis donc Coupe de la Ligue, on en parlait tout à l'heure avec Lyon, ce match face à Lyon donc vendredi soir. Voilà pour le foot. On aura un mot de tennis comme chaque fois, on aura un mot de rugby, on aura un grand mot de basket, bien sûr, puisque ça y est, c'est la bonne semaine. On est bon. Ah bah c'est déjà recommencé là. C'est ouais, ça a repris. Ça a repris, ça joue même d'ailleurs ce soir à 21h, t'as le premier, t'as un match. Déjà. Et ben voilà, on va pouvoir suivre ça. T'as les Lakers à 21h et t'as les Clippers à 22h. Parfait. Et ben on pourra suivre un petit bout de ces rencontres. On aura du basket avec la NBA, donc je le disais. On a pas mal de choses à dire. Ah oui, je t'ai préparé un petit truc là justement pour t'expliquer comment ça va se passer. Bon, et ben on va y revenir. 17 pages et quelques feuilles. fini à 2h, c'est ça. C'est ça, ouais. On aura du hand, bien sûr, puisque Sylvain est là. On va dédié une grande page en ce soir. Ouais, on parlera notamment de la super réforme de la Coupe de France. Je ne sais pas si tu as suivi. On en a parlé, et justement... Celle qui a plu au coach de Chartres. Ouais, on en avait parlé, c'est vrai, il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on voulait justement en parler avec toi. Ça aura un peu ton avis. Et puis, des infos sur GIA, bien sûr, des nouvelles. Bien sûr. Il y en a, bien sûr, il y en a, forcément. On n'oublie pas le 11 septembre. Bien sûr, avec. Ah non, pour l'oublier, non, ça c'est sûr. Ce fameux match, je viens, ça range, hein. C'est dans quel ordre d'ailleurs? C'est à Sully-sur-Loire. C'est à Sully-sur-Loire. Ouais, donc il y a terrain neutre. Donc, ouais, voilà. Tu prends le sens que tu veux. C'est ça. Et puis on parlera aussi un mot de moto, puisque ça y est, deuxième victoire consécutive pour Fabio Quartararo hier. Eh, comme les motards, t'as vu? Ouais, deux comme ça, avec les doigts. Trois, il pourra pas du coup. Bon, il va pas se gêner de là. si, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, hier, victoire encore pour le français. Bon, il n'y a pas eu de débat. Hein. Il a été devant tout le long de la course. Et une troisième place pour Rossi. Tiens, nouveau podium pour le. Italien, 190e podium, je crois, en carrière. Ouais, je sais pas, j'ai pas compté. C'est pas mal. Hein. Non, on les a pas tous vus hein, non plus. Hein. Il y avait beaucoup. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la MotoGP. Et puis voilà, le programme c'est déjà pas mal, on aura déjà de quoi faire. Pas de direct spécifique ce soir à part, donc je te le disais tout à l'heure. Ouais, je ne sais pas si tu l'as sur les. Non, c'est pas. Je vais te donner un site pour le. C'est pas commenté. Je te ferai un site. Mais on pourra essayer de trouver ça. Il y aura aussi un match à 20h45 dans une heure. C'est les playoffs de Championship, donc c'est la deuxième division anglaise. Demi-finale aller entre Cardiff et Fulham qui va rejoindre la première ligue. Eh bien, on partit ce soir que ça se joue entre Cardiff et Fulham dans les demi-finales. Allez, voilà, parce que même, il y a même des demi-finales en play-off en Angleterre. C'est... Il y a presque un championnat complet pour les play-offs, c'est énorme. Il va y avoir plusieurs matchs, hein, si je ne me trompe pas. Alors ouais, il y a, là c'est l'aller, il y a d'autres demi. Alors là, c'est pas ce soir, ça va peut-être être demain. Si c'est les demi, en général, il y en a deux. Ouais. Et demain, ce sera pas demain, je sais pas où est l'autre, mais il y aura une autre demi-finale. C'est Brentford Swansea, voilà, l'autre demi-finale de ces playoffs de Championship. On fera un pont aussi là-dessus, puisque en Angleterre c'est fini. On connaît les Européens, on connaît les descentes et on connaît une partie des montées, dont le fameux club et de notre ami Marcel Bielsa. Oui, et je sais pas si tu as vu à propos des playoffs, justement, comment ça s'est passé pour le Nottingham Forest de Sabri Lamouchi. Ah non! En fait, Sabri Lamouchi, donc, qui est coach Nottingham Forest, était largement en position favorable pour atteindre les playoffs. Ouais. Avec 3 points d'avance et puis une différence de but largement favorable. Et sauf que leur poursuivant immédiat, donc, qui était Swansea, est allé gagner 4-1 à l'extérieur. Et que pendant le même temps, Nottingham Forest a perdu 4-1 à domicile. Et ça. Avec cerise sur le gâteau, un but contre leur camp à la dernière seconde. Et c'est ce but-là qui envoie Swansea en play-off à la place de Nottingham. Pour un but. Voilà. Et avez-vous entendu aussi l'histoire, dans le même style, du gars qui avait parié je sais pas combien sur un but, sur une équipe qui marquerait pas ou je sais pas quoi, ou un joueur qui marquerait pas, et le mec a marqué, oui, un joueur, c'est ça, en Angleterre. Et le mec a marqué à la 99e minute hier de son dernier match. Ah, 9 minutes de temps additionnel. Il a perdu, il avait mis je sais pas combien, il avait 600 euros à gagner, je crois. Il a perdu. Ouais, sur un but. À la 99e, alors qu'il y avait 4 minutes d'arrêt de jeu. Quand même, faut le faire. Il y a une VAR, il y a eu tout en fait. Tout eu, Ouais, mon fils me racontait ça hier soir, j'étais explosé de rire. Énorme. Bon, on fera un point aussi là-dessus alors. Donc les directs, ce sera tout. Du coup, il n'y aura que celui-là. Entre Cardiff, City et Fulham. Et donc la NBA aussi dans une heure quoi, un peu plus. Ouais, je te dis, c'est ça, dans une heure. Bon, on regardera. Dans 1h10, ça peut. Jettera un œil. 21h et 22h les matchs ce soir. Bon, et ben on pourra en suivre un petit bout. On aura des pauses, on aura peut-être des intervenants. 0238 434 800 si vous voulez intervenir pour nous parler de ce que vous voulez d'ailleurs. Refais-le plus doucement s'il te plaît. 0238 434 800. Voilà. Ou le Facebook Radar Q Sport. Voilà, donc pour nous joindre et pour nous écouter, je le disais, uniquement ce soir, arc-en-ciel.fr, puisque la FM est en rade ce soir. On aura des sons aussi toute la soirée. Et Sylvain, il réfléchit tout le long de l'heure. C'est Sylvain, est-ce que Sylvain, il a un premier titre ou il y réfléchit encore? Laisse-moi 20 secondes. Alors, ok. Tu connais pas cette chanson-là? Non, c'est qui? Qu'est-ce qui chante? Mike Brandt, je crois. Non, c'était pas ça, c'était Laisse-moi t'aimer. Ouais, non, c'est ça. Très bien. Bah alors, je te laisse 20 secondes. Plus que 10 maintenant. Et puis, donc, voilà, vous pouvez commenter, bien sûr, toute l'émission sur Facebook. On essaiera de lire vos commentaires. Ah, je donne le chanteur, tu donnes le titre, d'accord? Un petit Nirvana. Qu'est-ce que t'as un titre pour Nirvana? Ouais, comme As You Are, par exemple. Eh bah, tu vois, ça y est, c'est parti. Eh bah, ben, c'est parti. Donc, tu vas nous chercher ça. Pour ce premier titre. Et on revient juste après dans 3 minutes 46 précisément pour donc la première partie avec, pour démarrer, la MotoGP donc, et ce très beau doublé pour Fabio Quartararo. 19h54, c'est arc-en-ciel, on se retrouve dans quelques minutes après donc Nirvana. A tout de suite. Cause I know. Retour donc après Nirvana. Il démarre fort. Hein. Ah oui, en beauté. Je crois que je me suis trompé de micro pour Sylvain, ça y est, c'est mieux. On va mieux t'entendre. Il est sur ce poste-là. Il est sur le rouge, ouais, c'est bon. On démarre tout de suite avec hier, victoire donc de Fabio Quartararo sur le Grand Prix d'Andalousie. Fabulous Fab. Ah ouais, là, énorme. Il a été, de toute façon, je ne sais pas si vous avez vu la course, mais devant du début à la fin. Il n'y a pas eu de débat sur la course. J'ai juste vu sa célébration à l'arrivée, c'est tout. Ouais. Oui. Alors, il a fait un clin d'œil. Et par contre, il avait pas mal à la cheville. Non. Alors, on avait dit la semaine dernière, après la blessure de Marc Marquez, il devait participer hier. Finalement, c'était trop juste. Il s'est fait opérer mercredi. Hein. En même temps, ça se comprend, non? Ouais. Il a essayé. Bon, c'est pas possible. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Bah, lui, il a eu des problèmes et il a dû finalement abandonner après les essais. Abdiquer. Ah ouais. C'est pas tellement étonnant en même temps. Non. C'est vrai que c'était un peu risqué trois jours après de revenir. Donc Quartararo White qui a démarré avec Vinales, qui s'est quand même doublé sur un virage, puis qui est revenu juste après le virage suivant à la première place, puis finalement il a eu très vite 5 secondes d'avance, puis 8, et finalement il finit avec presque 5 secondes d'avance, hein, il a relâché sur les derniers tours. Donc devant Vinales l'Espagnol, Rossi 3ème, donc qui retrouve les podiums, l'Italien, un Japonais à la 4ème place, Juan Zarco 9ème, qui a profité de pas mal d'abandons, hein. Il y a eu pas moins de 8 abandons quand même dans cette course espagnole. Donc encore une victoire donc pour le Français qui... Il y en a eu 8. Hein. Ouais. Il n'y en a pas eu 8 abandons. 8 abandons, mais pas de S, c'est un chiffre. 8 abandons. Ah ouais, et... C'est comme ça, hein, mais... Beaucoup de... C'est comme ceux qui disent qu'ils ont pris 100 euros. Ouais. Moi j'ai pris 100 euros. 100 euros. Et Fabrice même. Fabrice 100 euros, ouais. Voilà. Pour les amateurs de tennis, bien sûr. Donc, deuxième victoire consécutive pour Quartararo qui domine forcément le championnat avec 50 points. Vinales, deuxième, 40 points, qui a fait deux deuxième places. Dovizioso est troisième, 26 points, l'italien. Jean Zarco, qui est quand même 8e avec 12 points. La bonne nouvelle pour le français, pour Quartararo, c'est que Marquez a 0 points. Eh oui. Il faut pas dire la bonne nouvelle. C'est oui, c'est ce qu'il faut dire. C'est le nombre de points quoi, de Fabio Quartararo. Enfin, Fabio quoi. Fabio. Du français. Et donc voilà. Donc il a déjà 50 points d'avance finalement sur Marquez. Qui se concentre sur ses grands prix. S'il est concentré comme ça jusqu'au bout, il y aura pas de souci. Voilà. Il a déclaré ce week-end. Je sais pas si tu l'as entendu. Ça, j'ai entendu 2-3 petites déclarations. Il a quand même déclaré qu'aujourd'hui, maintenant, il pouvait pas se cacher qu'il allait jouer le titre. Là maintenant, lancé comme il est là, il va le jouer le titre. Là, il est bien lancé. Ouais. C'est pas dit qu'il aille jusqu'au bout comme ça, mais en tout cas, il est bien parti. Ouais. Ah, c'est sûr. Démarrer par deux victoires que par deux abandons, c'est l'idéal. Oui, mais c'est surtout les deux victoires qui sont idéales. Les deux abandons, moi, je les regarde pas. S'il avait fait deux fois deuxième, il serait quand même derrière au classement. C'est les deux victoires. Il faut continuer sur des victoires. Après, tant qu'il gagne, oui. En général, que ce soit Rossi, Vinales ou n'importe lequel, ceux qui remportent les grands prix, celui qu'on a remporté le plus en général en fin de saison, il est quasiment champion. C'est lui qui est champion, ouais. Donc voilà, Quartararo, leader provisoire. Là, t'en as deux d'avance. Voilà, il a deux jokers, quoi. Ouais, bravo. Le prochain grand prix aura lieu dans 15 jours. Ce sera le Grand Prix de République Tchèque. On va avoir une petite pause là, voilà, pour tout le monde. On quitte l'Espagne pour la République Tchèque. Il y aura deux fois Autriche ensuite pour le mois d'août. Voilà, l'histoire de récupérer des points pour le français. Rossi a bien rigolé d'ailleurs hier, hein, parce que Quartararo est venu le voir à l'arrivée, il y en a un selfie. Ouais. On pourrait faire un selfie ensemble, parce que moi j'ai toujours suivi ta carrière et j'étais mon idole, et aujourd'hui voilà, j'étais à c'est côté ça. De moi. Quoi. C'est ça. Donc il en a profité pour faire un petit selfie. Et à noter quand même un podium 100% Yamaha, qui ont bien marché hier. À noter que Quartararo, qui n'est pas chez Yamaha officiel, mais Yamaha test, on va dire. Hein. Ouais, ouais. Et malgré ça, bah voilà, une moto qui marche bien. D'ailleurs, quand on entend aussi sur son interview de fin de Grand Prix, là, tu l'entends quand même dire bah, c'est un jeune, il est exceptionnel, et je vais quand même aller le tâtonner pour avoir quelques petites infos, parce qu'effectivement, nous, on n'arrive pas à régler la bécane, et lui, il arrive très bien. Donc je pense qu'il va déjà, aller le voir et aller piocher quelques infos chez Quartararo. C'est quand même impressionnant, parce que pour un mec comme Rossi qui va dire ça, bravo. Ouais, ah bah c'est que là. C'est déjà une sacrée reconnaissance. C'est ça, Rossi qui est le taulier. Alors moins maintenant, mais qui est. Le numéro 46, tout le monde le connaît. Hein. Ouais, The Doctor, on connaît tous. Donc voilà, en tout cas, c'est pour l'instant bien parti pour le français. Donc prochaine course dans 15 jours. À noter qu'en Formule 1, prochain Grand Prix dimanche, ce sera en Grande-Bretagne, où on restera 2 semaines. À noter également que tous les grands prix américains ont été annulés. Brésil, Canada, Mexique, États-Unis, voilà, supprimés définitivement. Quand on connaît la situation sur place, hein, ça peut se comprendre. Et en revanche, 3 nouveaux en Europe ont été ajoutés. Donc à Sochi en Russie, Portimao au Portugal, et enfin sur le circuit d'Imola pour terminer. Donc sur les 3 nouveaux grands prix qui vont terminer probablement la saison. Donc d'ici début novembre, à moins que d'ici là d'autres s'ajoutent, ce qui n'est pas impossible. Donc pour la Formule 1, dimanche Grand Prix donc de Grande-Bretagne sur le fameux circuit de Silverstone, bien sûr. Voilà pour l'actualité en sport mécanique. On va changer complètement d'univers avec le handball. Et là, bien sûr, je vais faire appel à Sylvain pour toutes les infos. And, on peut commencer par la petite... Par la petite actu Coupe de France, parce que voilà, c'est assez marquant quand c'est même. C'est ça. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, suite à notamment au Covid, au problème de calendrier, de reprise un peu plus tard que les autres années, de date à trouver... la Ligue nationale de hand et la Fédé n'ont rien trouvé de mieux à faire que de... On peut même pas dire réformer la Coupe de France, parce que ça s'appelle même plus pour moi la Coupe de France. À savoir que la Coupe de France, en fait, ça sera un match qui opposera le premier et le deuxième du championnat. Voilà, ce qui est très choquant. Il y a tous les entraîneurs, tous les gens qui suivent le hand qui sont très choqués par ça. Et en fait, ça ressemble à rien. À la limite, on peut appeler ça un trophée des champions, par exemple. Ouais. Ou une super coupe, ou je sais pas comment, mais c'est pas la Coupe de France, quoi. Et en plus, c'est un mépris total des clubs amateurs. Oui, c'est un trophée champion, comme tu dis. Ouais. Ça, voilà. C'est... voilà. En plus, c'est pénalisant aussi pour les clubs qui étaient qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France 2020. Ouais. Qui, ouais. Voilà, dont Chartres, d'ailleurs. Et oui, qui avait atteint pour la première fois les demi-finales. Oui. Puisqu'à la limite, on aurait pu effectivement... C'est vrai que le calendrier est surchargé, hein, ça, il n'y a pas de souci. On aurait pu, au pire, recommencer sur les demi-finales. Faire une finale à 4, c'est ce qu'il y a. Ouais, final four, oui. Faire un final four. Ouais. Au moins, ça aurait récompensé sportivement les clubs qui étaient qualifiés. Mais là, franchement, ça ressemble à rien, quoi. C'est pas une Coupe de France du tout, là. C'est débile, ils vont prendre les 2 premiers, apparemment. Sauf si le premier ou le deuxième est encore engagé en Coupe d'Europe. À ce moment-là, ils vont prendre peut-être le 3e et le 4e. Enfin, ouais, le 5e, ça... 6e. Enfin, bon, bref. Ça ressemble à rien, oui. Non, ça ressemble à rien du tout. Voilà. Mais bon. Les fédérations sont, comme on dit, prophètes en leur domaine. Il fallait la supprimer, tout simplement, au pire il fallait la supprimer. Oui, voilà, plus une année blanche, quoi. Voilà, une année blanche. Ouais, bon. Voilà. Et c'est aussi pour les clubs de N1, N2, N3 qui recevaient toujours un gros, puisque la formule était aussi ainsi faite que les gros se déplaçaient chez les clubs de N1, de N2, de N3. Gien qui avait reçu déjà Créteil, Montpellier. Ouais, Gien, par exemple, Gien a déjà reçu Paris, Montpellier, etc. C'est aussi des rentrées financières pour ces clubs-là. Voilà, mais tout ça, c'est balayé, quoi, d'un trait. Est-ce que ça va réellement se faire comme ça? On ne sait pas, si. Pour l'instant, c'est est-ce que ça peut bouger, ouais. C'est sûr, ouais. Ou est-ce que ça peut bouger? Il y a une telle levée de bouclier qu'on peut penser que ça peut bouger. Mais... Bah, il va falloir hein, quand même, parce que c'est quand même grave. Hein. Ouais. Mais en sachant que les plus gros clubs, par contre, évidemment, Paris, Montpellier, Nantes, pour eux, c'est pas mal, quoi. Ils sont quasiment assurés. C'est clair. Ouais, ouais. Plus besoin de faire des matchs en plus. Voilà. Ouais. Ça libère un peu des dates, quoi. Donc on verra. Ces clubs-là sont puissants aussi hein, dans les décisions. Hein, donc, Ouais, ils pèsent, oui. Par contre, chez les femmes, pas du tout. Hein. On reste la formule. Oui, chez les femmes, ouais, en plus, oui. Encore une fois, ouais, on en parlait la semaine dernière, on fait pas la même chose chez les hommes que chez les garçons. Enfin bon. On avait parlé la dernière fois, c'est que ça y est, Ligue des Champions en semaine, enfin. Oui, enfin. Moi, perso, il n'y a plus rien qui m'étonne, parce que quand tu vois ce qui s'est passé dans le foot, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'étonne que les autres fassent des trucs pareils. Je suis même pas surpris. C'est fou, hein. Ouais. Donc voilà, Ligue des Champions, retour en semaine et championnat le week-end, enfin. Cette nouvelle. Ligue des Champions, donc, avec Paris qui connaît son calendrier également. Ouais, alors tu peux nous redonner la poule, parce que je l'ai pas en tête. Ouais, bien entendu. Faut qu'il aille te rechercher ça. Pendant ce temps-là, tu vas réfléchir aux arrivées qu'il y a eu cette année à Gien pour nous en parler aussi après. Parce que j'aimerais bien savoir un peu qui est arrivé, qui est parti, quels ont été les mouvements, ouais, comment ouais. Ça s'est passé. On alors, va faire un petit topo. Paris qui va jouer le Vardar, les Macédoniens, les Polonais de Kielce, les Portugais de Porto, les Hongrois de Szeged. Il y aura Brest, alors les Biélorusses, hein, pas, ouais, pas en France. Pas les Bretons. Elverum, les Norvégiens, et Flensburg, les Allemands. C'est pas facile. Pas facile comme groupe. Hein. Non, Vardar et Kils, c'est quand même. Ouais. C'est très costaud. Hein. Kils, alors, c'est chaud, ouais. Nantes qui va faire ta affaire aussi avec le Barça. Mais c'est Nantes, je crois, qui est le groupe plus, ouais, plus difficile de. Ah, ouais. Barça, Vesprem, les Hongrois, Kiel, les Allemands. On aura Zaporogie. Comme ça qu'on dit en Ukraine. Je sais pas, je vois ça, pas. Zaporogie, je pense. Hein, il y a un petit accent à la fin. Zagreb et Celje. Ah oui, là c'est très très costaud. Barcelone, Vesprem, Kiel. C'est lourd ça. Et même Aalborg. Hein. Même Aalborg, c'est pas évident, mais les trois premiers, ah, déjà, ouais, c'est énorme. Oui, Aalborg, j'avais oublié. Aalborg. Quand tu veux les pays du Nord, hein, c'est chaud, ah, aussi. Ouais. Hein, ouais. Ouais. Donc du lourd pour les deux finalement. Hein. Ouais, pour les deux. Ouais. Ouais. Donc Paris va démarrer. Voilà, le calendrier est parti. Hein. Ils vont débuter face au club hongrois. Ça y est. Donc la première journée, le 16 ou 17 septembre. Pour l'instant, on n'a pas la date précise ni les horaires. Donc Paris va se déplacer à Szeged et Nantes va recevoir Vesprem. Bah, là, du lourd pour les deux déjà. Déjà, ouais. Voilà, donc 15 ou 16 septembre pour le départ de cette Ligue des Champions. On avait parlé de Nîmes qui va intégrer directement aussi la phase de groupe de la C2. Alors, qui va changer de nom aussi. Désormais la Ligue européenne et plus la Coupe de HF. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on a Nîmes qui va être qualifié pour la phase de groupe, Montpellier, Toulouse et Aix en tour préliminaire. Donc potentiellement 4 clubs en C2. Oui, ouais. Ce qui serait sympa. On avait aussi à parler de Fleury qui va retrouver la Coupe d'Europe. Également la C2 chez les femmes. Alors, on a déjà le tirage ou pas? Non, pas encore. Mais en revanche, voilà, c'est sympa de retrouver enfin Fleury du côté de la Coupe d'Europe. Je crois qu'elles ont pris l'entraînement, hein, les Parisiennes. Ouais. Ouais. Ça y est, ouais. J'ai vu passer ça, je sais plus où, j'ai vu passer l'info, je crois. C'est reparti, ouais. Et donc, elles avaient joué une finale de Coupe d'Europe il y a quelques années. Hein. Alors, c'était la C3 encore, je crois, à l'époque. Et elles s'étaient inclinées. Mais ça y est, donc, retour en Coupe d'Europe pour les Panthères. Et puis, une dernière info aussi. Concernant l'équipe de France qui connaît son tirage pour les qualifs du mondial. Tu as dû voir ça, Sylvain? Non, je l'ai pas vu. Ah. Je l'apprends. Alors, qui connaît pas vraiment son tirage, mais qui connaît son. Ah, le chapeau. Voilà, le chapeau, donc il sera dans le troisième chapeau. Troisième chapeau pour la France? Pour la France, ouais. Mais c'est, en fait, c'est pas tellement. Parce que là, sur l'article, il qualifie ça d'incompréhensible, mais compte tenu des dernières performances de l'équipe de France, malheureusement. Alors, en fait, c'est ça, comme tu dis, c'est que c'est lié à l'Euro, voilà. Dernier Euro de janvier, où les Français avaient fini 14e, ils avaient été éliminés dès le premier tour. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, l'IHF s'est basé sur ces résultats. Ce qui fait que l'équipe de France va se retrouver dans le chapeau 3, derrière notamment des équipes comme l'Autriche, l'Algérie ou la Biélorussie, hein, qui paraît un peu aberrant, mais. Voilà, si on s'en tient. Écoute, pour ce qui est de l'Algérie et du Maroc notamment, pas tant que ça, ils ont toujours posé des problèmes, rappelle-toi, quand il y a des matchs de préparation. C'est jamais simple contre ces équipes-là, hein, pour l'équipe de France. Ah ouais, puis ça progresse. Hein, Bien sûr, ils progressent énormément au contact des grandes équipes. Hein. Ouais. Et ils apprennent vite en plus. Et donc, voilà, chapeau aux 3, le tirage au sort le 5 septembre, du Mondial 2021, ce sera en Égypte, hein, cette fois du 13 au 30 janvier. Il y aura juste avant, en décembre, comme d'habitude, l'Euro des femmes. D'ailleurs, ah. J'ai dit une bêtise, je crois pas que ce soit le Maroc, c'est plutôt la Tunisie. C'est moi qui ai mangé la feuille. Oui, mais le Maroc progresse aussi. Maroc. Ils sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, par exemple. Oui, mais c'était la Tunisie que je pensais quand je disais qu'ils posaient beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, c'est la Tunisie. Mais à chaque fois qu'ils jouent la France, à chaque fois, on a des problèmes avec eux. Hein. Oui. C'est très physique comme jeu. Ah oui. Mais oui, tu fais bien de le dire, c'est que le Maroc aussi progresse également. Ça ce sera le 5 septembre. Premier chapeau avec les 7 premiers de l'Euro en fait, hein, voilà, avec le Danemark également. Alors le Danemark qui avait fait aussi, on s'en rappelle, il y a un très mauvais Euro, hein, comme la France, mais Danemark est champion du monde en titre. Voilà pourquoi il est dans la tête, dans le chapeau 1. L'équipe de France n'a plus aucun titre. Hein. C'est vrai qu'on est toujours sur l'image d'une équipe de France très dominatrice en hand, mais on n'a plus aucun titre. Hein. Non, c'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que ça reste dans l'esprit des gens, mais sportivement, les dernières compètes ont été très décevantes. Hein. Ouais. Ah, oui. Un peu comme pour le football. pour la... On n'a plus aucun titre, hein, de toute façon. Pour la France ? Bah oui. Ah bon, alors, il en reste un quand même. Pendant quelques années encore. Quel titre ? Bah, c'est les, elle est là l'étoile. Ouais, ouais, enfin bon, elle est là l'étoile, potentiel de 98. Tu pourras pas l'enlever. Enfin, celle-là. Oui, ah, non, non, mais moi je me rappellerai toute ma vie. Hein, ah bah oui. Hein, c'est la Coupe du Monde, excuse-moi, mais voilà quoi. Elle mérite d'être là. Ah oui, j'en ai vu quelques-unes des Coupes du Monde, mais je crois que c'est la pire que j'ai vue, c'est celle-là. Et pourtant, ouais. Et pourtant, j'en ai vu des belles. On vient au handball, s'il te plaît, si tu veux bien. Oui. C'est ça, allez. Donc la France qui pourrait retrouver des le Danemark, la Norvège, l'Espagne, la Croatie, hein, dans le premier tour. Hein. Oui. Et bien aussi hériter dans le fameux tour principal, hein, le deuxième tour, hein, d'autres formations. Chapeau 3 déjà, tu te prends deux cadeaux déjà pour commencer. C'est hein, ça. On t'en prend deux dans les gencives déjà. T'as intérêt de les assurer ces matchs-là. Hein. Ouais, c'est ça. Autant avant t'étais dans le premier chapeau et t'avais la chance de pouvoir jouer entre guillemets des équipes plus faibles théoriquement. En tout cas, t'en avais qu'une qui était quelque part un peu à lutter. Donc tu pouvais jouer à peu près décontracté. Mais là, maintenant, ça va pas être le cas. Hein. Mais de toute façon, quand tu vois dans le chapeau 1, il n'y a aucune équipe facile. Hein. Pour Danemark, Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie. Les Slovènes, ils sont pas mauvais du tout. Ouais, ouais, ouais. Allemagne, le Portugal, on est bien placé pour savoir que c'est pas facile. Et la Suède, de toute façon, quelle que soit l'équipe, déjà là. T'as un gros déjà. Un gros, ouais. Après, dans le chapeau 2. Il y a la Hongrie parfois, le Qatar, on sait jamais comment l'équipe est composée. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils viennent de partout et nulle part. Ça peut être très costaud aussi. Le Qatar, on s'en rappelle, hein, les gars, ils jouent avec des Français, ils jouent avec des jeunes Français qui ont été gentiment remerciés de l'équipe de France. Donc, Et on s'en souvient, on avait gagné quand même. Oui. En finale, chez eux. Donc voilà, par exemple, si tu tapes. Imagine un chapeau, une poule avec Espagne. Ah ouais, j'aime bien l'Espagne, moi. Espagne, Qatar, France. Ouais. C'est pas ce que j'avais fait. Hein. Ouais. Ouais. Alors bon, faut relativiser. Il y a trois équipes sur quatre qui vont. Voilà, ça, alors ça, c'est encore une fois. Ça, c'est le hand. Ça, c'est le hand. Ouais, on va te mettre le Vatican. Et alors, et là, on a le retour des quarts de finale. Ah. Voilà. Alors, on allait en demi direct. Ben, on aura des quarts maintenant. Voilà, un jour peut-être qu'on retrouvera les huitièmes. Hein. C'est pour faire plaisir au PSG, ça. Donc voilà, et ensuite, donc, dans les quarts, il faut finir dans les deux premiers du groupe de six, des six. Voilà. Ouais. Voilà, ça change chaque année. On aura peut-être des huitièmes un jour qui vont revenir, comme c'était le cas avant. C'est ça, sympa d'ailleurs. Bah, ça serait tellement bien. Bah oui, enfin, on avait des matchs à coup près tout le temps, quoi. Voilà. Mais bon. Voilà, donc ça c'est pour le mois de janvier. Voilà, on referme cette page hand mondial, international, et on va revenir sur le hand national et même local avec Gien pour donner des infos sur l'avancée. L'entraînement a repris. Non, l'entraînement reprend le 5 août, le 5 et 6 août. D'accord, ça va pas tarder, oui. Avec après une prépa assez intensive. Plusieurs matchs amicaux contre Saint-Privé qui joue en N2. Ouais. Contre. Que je dise pas de bêtises. Là, contre Saran, ça c'est contre sûr. Saran. Ça c'est sûr, ouais. Il y a un autre match, je crois, contre Saint-Privé. Non, ouais, il y a un aller-retour contre Saint-Privé et puis deux tournois. Un tournoi en région parisienne. Savigny. Ouais. Contre deux équipes de N1 et un tournoi à Gien le 29 août. Voilà. D'accord. Et après, ça repartit pour la saison. Et après, c'est reparti pour la saison le 19 septembre, si je dis pas de bêtises. Avec un déplacement à Torcy dans le 77 pour commencer. C'était ça, je me rappelle Torcy, mais. Ouais. Et ensuite, on reçoit Ivry sur scène. Alors, quelles sont les réserves pro là, cette saison dans la poule ? Alors, on a la réserve de Chartres. Ouais. La réserve d'Ivry. Et. Petit déplacement. Ouais. Et il y en a une troisième. Mais il n'y a pas de gros déplacements, je crois, cette année. Au niveau kilométrage, je crois que ça s'est bien calmé quand même. Il y a Lille quand même. Ouais, Lille, ça va. C'est faisable. Tu passes Paris, ça va vite. Ouais. Mais non, effectivement. Tu vas plus te promener dans le sud de la France, là. Toulouse, comme on a eu Toulouse, Bordeaux, etc. Tout ça, c'est fini. Et tant mieux pour les finances des clubs, d'ailleurs. Bien sûr, peut-être d'ailleurs qu'ils ont vu un peu les championnats cette année comme ça. On le voit pour Saint-Privé dans le football aussi, on a vu leur championnat. Hein. Ils vont plus se promener dans le sud comme ils ont fait cette année. Ils ont plus de déplacements à Montpellier, ils ont plus de. Voilà. Ils vont aller juste en Bretagne ou voilà. Ouais. Ça va rester dans le secteur ou en région centre. Ou à Paris. Donc oui, non, ça c'est très bien, effectivement. Après en deuxième phase, parce que bon c'est compliqué, il y a deux phases. Et en deuxième phase, on peut aller un peu plus loin du côté de Granville en Normandie, à Hasbrook dans le Nord. Enfin voilà, il y a d'autres équipes, mais globalement, c'est quand même. Ça reste un championnat. Ça reste un championnat national. Centré, ouais. Voilà, bien sûr. Hein, ouais. Sinon, comme disait Christophe, on peut faire un point sur les recrutements. Bien sûr, ouais. Oui, sur le recrutement. Sur le recrutement. Donc arrive à Gien cette année, donc Benoît Galas qui jouait en Pro B à Valence, qui avait fait beaucoup de mal à Saran d'ailleurs, qui était venu battre Saran à Saran et qui avait marqué 7 buts ce soir-là. En Pro B ? Ouais. Ah, en Pro League ? En Pro League, ouais, pardon. Ouais, je me disais, il jouait au basket avant. Ouais, tu l'as compris. Ouais, on avait compris. Non, mais ça s'est appelé D2, ça s'est appelé Pro League. Ça change tellement de nom tout le temps, de toute façon. Voilà, donc ouais, qui avait fait un gros match contre Saran l'année dernière. Voilà, donc il vient nous renforcer. On récupère un très gros morceau avec Nicolas Bordier, ex joueur de Saran, qui jouait à Cherbourg aussi en Pro League. Voilà, qui vient jouer au poste de pivot. Il y en avait besoin, je prends un pivot. À un moment donné, c'était un peu limité. On était un peu juste. Ouais, ouais. Puis c'est un poste tellement important. Donc, justement, ouais. Ça va vraiment faire du bien. Jouer sur la défense, éviter un petit peu que ça s'étire et que ça aille chercher les ailiers, faire un peu de place aux ailiers, c'est bien ça. Et pour lui, puis en plus, un joueur avec beaucoup d'expérience qui va nous faire du bien, puisque l'année dernière, Gien a perdu beaucoup de matchs dans les derniers instants, à un but ou deux buts près. Et voilà, c'était des gestions de fin de match qui manquaient beaucoup à l'équipe. Et un joueur comme ça, ça fait beaucoup de bien. Ouais, ça garde la balle. Comme on a des joueurs en foot qui peuvent garder le ballon, là il va garder le ballon, il va faire tourner. Exactement. Et puis ouais, et puis amener un petit peu de sérénité. Oui, bien sûr. Et sinon, retour à Gien de Jean-Baptiste Poiseau, ex-Giennois, qui était retourné à Saran et qui revient à Gien. Et un joueur qui nous vient de deuxième division suisse, Abdel Iljic, qui jouait à Genève en deuxième division suisse sur l'aile droite et qui rejoint Gien cette année. Donc un bon recrutement, le club a mis les moyens, notamment puisque voilà, le club a encore été repêché, donc voilà, la question c'était d'accepter ou non le repêchage, et ce qu'il en a ressorti, c'est qu'on a accepté le repêchage, mais à condition de mettre les moyens pour ne plus vivre ce genre de saison galère. Voilà. Et aussi pour être digne du repêchage aussi. En même temps, le repêchage c'est tous les ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quel est il y a un objectif à annoncer ou un bon maintien tranquille. Ouais. Voilà. Sans galérer. Très honnêtement, hein, vu les recrues que tu m'as annoncées depuis quelques mois maintenant, puisqu'on en parle assez régulièrement, je vois pas comment avec cette équipe-là, puisque l'année dernière j'ai vu quelques matchs, et il y a quelques matchs effectivement qui se sont terminés à peu de choses, où il a manqué peu de choses, et effectivement il a manqué cette présence d'un joueur ou deux qui avait le métier et qui pouvait un petit peu mettre un petit peu la main sur le ballon et dire les gars stop, on va calmer un peu, on va lever un peu le pied là, faut garder un peu le ballon, faut ralentir un peu le jeu. Faire tourner un peu la balle, gagner un peu de temps, ça, il n'y avait pas grand monde qui savait le faire. Ils savaient le faire, mais pas comme ceux qui sont arrivés là sauront le faire. Donc je pense que ça, c'est important, et cet ajout-là, je pense que normalement, ça devrait permettre au club, ou alors j'y comprends plus rien, mais ça devrait permettre au club un maintien. Non, mais c'est exactement ça. Le hand, c'est toujours très compliqué, parce que tu ne peux pas gagner du temps comme au foot, hein, évidemment. Parce que le refus de jouer. Il aime la main, les arbitres. Voilà. T'as vu, on a nos copines à Paris là-bas, elles lèvent souvent le bras. Donc voilà, il y a les arbitres qui lèvent la main plus ou moins rapidement. Mais il y a des joueurs qui savent très bien gérer ces moments-là. Et des joueurs qui ont joué en pro, évidemment, c'est très important. Quoi. Dommage, on n'a pas leur nom, on ne peut pas les citer. Ah, on avait deux arbitres l'année dernière des féminines. Ah, c'est vrai, vous m'en aviez parlé. Ah, c'était exceptionnel avec Gien. Ah oui, on se demandait même d'ailleurs si elles n'étaient pas tombées amoureuses d'un joueur pour toujours vouloir arbitrer Gien. Et à chaque fois, elles arnaquaient l'équipe. Enfin, elles arnaquaient. Elles n'étaient pas très sympas, en tout cas, dans leur arbitrage. Non, c'est sûr. On ne va pas dire qu'elles arnaquaient, mais elles n'étaient pas très cool. Donc voilà un peu les nouvelles. Et puis oui, effectivement, donc le 11 septembre, un grand match à Sully. En espérant que tout puisse bien se passer au niveau de la réception du public entre Gien et l'équipe de Pro League de Saran. Oui, on l'attend ce match le 11 septembre à Sully. Il n'y a qu'une salle à Sully, de toute façon. Ouais, il n'y a qu'une salle. Sully qui joue en N3 d'ailleurs, qui remonte en N3, ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour le hand du Loiret. Ouais, parce que, on rappelle quand même que dans le Loiret, on a quand même Saran en Pro B, Gien en N1. Saint-Privé en N2 et en N3, on a Sully et la réserve de Saran. Donc c'est quand même pas mal. C'est tout le hand pro en fait. Le hand semi-pro tous les niveaux, oui. De niveau national. Ouais, voilà. Et puis sans oublier les filles de Fleury. Voilà, bien sûr. Chez les femmes, oui. Et puis il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres équipes aussi de féminines, mais en tout cas la locomotive c'est Fleury. Ouais, ça ah fait, oui, clairement. Ouais. Troisième l'an passé. Ouais, ça fait quand même du monde. Hein. Ça fait pas mal d'équipes. Hein. Bah, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 Ça fait quand même 6 équipes au niveau national dans un département comme le Loiret. C'est pas mal. C'est beau, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Si on avait ça dans tous les sports, ce serait beaucoup. Ouais. C'est pas le cas. Ouais. J'ai visé personne. Hein. Je vois que vous me regardez tous les deux là, mais non, j'ai visé personne. C'est absolument pas. C'est curling, bien sûr. Même si c'est vrai qu'en me regardant comme ça, quand vous me regardez, je peux vous dire oui, c'est vrai que ce serait pas mal aussi pour le football. Mais enfin, il y a de la National 3 en football. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le Loiret, il y a l'USO en football et il y a Saint-Primé. Hein. Ouais. Après, c'est du National 3, c'est tout. Hein. Donc bon, par contre, on a 6 clubs en National 3. Ouais. Mais bon, faut descendre à National 3 pour en trouver quelque chose. Pour en trouver un peu, ouais. Et en curling, on est comment? On est pas mal. On est pas mal, je crois. On est pas mal. Normalement, ça se présente bien. Je crois que c'est en train de progresser sérieusement là, cette année. On a déjà. Il monte en puissance, je crois. Je crois que ouais, la dameuse sur la patinoire, elle a bien fait son boulot la saison dernière. Et puis bah, les balais, c'est pareil. Ils ont brossé bien. Ils ont bien affûté les poils du balai pour bien brosser devant. C'est tout ce qui compte alors. Ouais, quand ils jettent la pierre, c'est bon. Ils sont devant à balayer là. Puis je peux te dire que ça balaye. Hein. Alors on parlait tout à l'heure de. Je reviens juste sur Fleury puisque tu parlais du tirage qui est pas encore qui est pas connu. Alors Fleury va démarrer au troisième tour préliminaire, d'accord, de la coupe d'Europe. Donc acquise grâce à sa troisième place, on s'en souvient. Hein. Alors elles n'avaient pas pu finir la saison, comme tout le monde. Et elles étaient troisième quand même avant cette trêve. Et donc elles vont donc pouvoir participer au troisième tour de qualification. Donc les pas tout de suite, hein, pas avant le 14 et 15 novembre et pour le match aller et 21 et 22 novembre pour les matchs retour. Donc on n'y est pas du tout face à un adversaire donc qui reste à déterminer partir à le sort. Donc soit pour les autres équipes qualifiées comme Fleury au troisième tour, soit les équipes issues du deuxième tour. Voilà donc pour l'instant on n'est pas encore fixé sur le ce tirage qui n'aura pas lieu avant fin octobre parce que le deuxième tour aura lieu fin octobre. Donc pour l'instant les Panthères restent dans l'attente de son tirage. Donc il faudra déjà passer ce tour préliminaire de qualification. Et une autre chose concernant la Coupe de France, alors on parle à l'intérieur de celle des garçons. Pour celle des femmes, il y aura aussi une réforme qui va être mise en place. Donc qui va s'appeler la Coupe de France nationale élite désormais, ouais. Qui va regrouper l'ensemble des équipes de la première division, de la deuxième division, un peu une sorte de Coupe de la Ligue, quoi. C'est ça, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est pas une Coupe de France. Une Coupe de la Ligue qui avait été d'ailleurs supprimée il y a quelques années en plus, oui. Et qui revient un petit peu sous cette forme-là de Coupe de France élite. Alors est-ce qu'il y aura une Coupe de France pas élite, mais comme on peut l'appeler la Coupe du Président, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est la Coupe de France élite. Donc ça fait 30 équipes au total. Hein. 14 pour la première div, 16 pour la deuxième div. Les 5 qualifiés pour la Coupe d'Europe, donc Fleury, vont entrer dès les quarts de finale, quand même. Ça fait tard. Hein. Bah oui. Hein, en fait, on joue 3 matchs, c'est fini. Donc en fin février. Les autres. Et alors là, c'est là que c'est beau. C'est que les 9 clubs non européens, donc les 9 autres, hein. Eux vont s'affronter au cours d'une phase de poule sur 5 dates. Les 9 autres. Les 9 autres. Pas les 9 autres. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, mais. Donc, vont s'affronter eux d'abord sur une phase de poule sur 5 dates, suivi d'un 16e et d'un 8e. Alors, ça ressemble encore à rien. N'importe quoi. Donc, t'as une phase de poule, et après, quand tu sors de la phase de poule, t'as une 16e, puis un 8e, et l'écart, tu fais rentrer les Européens. Ouais. Et quand t'es éliminé, il y a encore une consolante pour être sûr que tu vas être qualifié. C'est ça. Donc voilà, encore une aberration sur la Coupe de France féminine qui va comprendre que les deux dives. Après le 6e tour de la consolante, en fait, le vainqueur doit être qualifié pour le 3e tour préliminaire. C'est ça. Deuxième tour. De la Coupe Jean Rollet. Je sais pas, mais. T'es repêché en Jean Rollet. Sincèrement, c'est vraiment nous prendre pour des. Ça ressemble encore à rien, cette Coupe de France. C'est vraiment nous prendre pour des ânes, quoi. Voilà, donc tu fais un match avec un match sur terrain neutre ou un match aller-retour, paf, t'es sorti. Ouais, c'est on n'en parle plus, ouais, et puis voilà. Mais bon, ça c'est. Donc là, il y aura une phase de poule, et ensuite, voilà. Donc, encore un cas particulier. On va pas s'éterniser dessus, voilà. Donc ce sera. Tu comprends mieux pourquoi mes 17 feuillets pour tout à l'heure, le basket. Ouais. Ah, non, mais on en rigole, mais non, c'est complètement illisible pour les gens. Ce qui n'est pas initié, déjà, alors pour nous, c'est pas simple. Le pire, c'est que c'est dans tous les sports que ça devient comme ça. Hein. Parce que tu vois, tu parles du hand, moi je vais te parler du basket où tu vas voir. Ouais, c'est pas vrai. Tu vas être sur le derrière. Mais ça ouais. reste comme une spécialité du hand. Hein. Oui, bah, ça a toujours été pour le hand. Puisque les, entre hommes et femmes, déjà en élite, on est déjà pas sur la même formule de base, sur le championnat. Ouais. La Coupe de France, donc, va pas être la même non plus. Les championnats du monde et d'Europe sont pas les mêmes chez les garçons, chez les femmes. Et, enfin, et les championnats nationaux N1, N2, N3 qui changent de formule tous les ans. Voilà, voilà. Enfin voilà. Oh, ça va déjà, ils rétablissent la Coupe d'Europe la semaine et le championnat le week-end. C'est déjà pas mal. Ce qui était déjà une aberration. Ce qui était déjà une aberration depuis des années. Ouais. Donc. Alors quand ils repistolaient, la Coupe d'Europe, c'est pareil pour les 25 mètres et pour les 50 mètres. C'est ça. C'est tout le même jour. C'est ça. On s'embête pas. Voilà, donc voilà, on va refermer la page hand sur une note. Une bonne note encore. On critique, on taille encore le hand. Moi j'ai une question. On aime bien le hand. J'ai une question pour Sylvain, moi quand même. Tu nous as parlé des arrivées, mais est-ce qu'il y a eu des départs quand même pour contrecarrer tout ça? Oui, il y a trois départs. Alors je les ai plus en tête. Ah bah voilà, c'est ça, j'aurais aimé que tu les aies en tête. Il faut dans la merde là. Mais si. Non, mais Jesse Denna qui part à Saint-Privé justement. D'accord. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir des clubs dans la région. Alors ça, c'est bien si ça se fait dans le handball, parce que c'est justement ce que j'ai souvent reproché, et ce que d'autres d'ailleurs reproche à un club qui notamment l'US Orléans au football. Et j'ai dit, c'est bien d'aller chercher Carnegie Antoine à Saint-Privé cette année pour le mettre en attaque à l'USO, mais est-ce que derrière ils vont envoyer un joueur ou deux pour compenser à des joueurs en prêt comme ils avaient fait l'année dernière, ils avaient un ou deux prêts de l'USO. Voilà, est-ce que faut aussi renvoyer un peu la balle dans l'autre sens? Ça marche dans les deux sens, oui. Mais de toute façon, pour le hand, ça fonctionne comme ça. Hein. Par exemple, le fait d'avoir Saran en Pro B, ça bénéficie à tous les clubs du Loiret. Hein. Ah, ouais. Parfois ils bloquent un peu quand même, ils font un peu de blocage. Ça peut arriver, on va dire. Ouais. Mais globalement, voilà. Globalement, ça bénéficie au club du Loiret d'avoir un club pro. C'est le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu. Hein. Parce que toi, petit club, tu formes des jeunes justement pour les amener à aller chez eux. Après, s'ils progressent et qu'ils deviennent bons, si derrière ils te renvoient pas un peu la balle, ceux qui sont en fin de carrière, faut aussi savoir te les lâcher, quoi. Aussi savoir dire, va finir ta carrière là-bas, à Saint-Privé, à Gien, à Sully, mais au moins aller finir sa carrière à un niveau correct et puis. C'est ça. Et pas le bloquer, quoi. Bon, bah, ok. Très bien. On va marquer une pause. Vas-y. Et on revient après pour le basket et accrochez-vous. Ah, c'était, t'as déjà mis de la musique, là? Non. Ah non, tu disais accrochez-vous, je croyais que t'avais préparé quelque chose. Non, accrochez-vous pour le basket. Ouais, on va s'accrocher. Pour. Essayer de comprendre. Non, si, c'est très simple à comprendre. Ah, bon, d'accord. Comme je te l'ai expliqué, moi, c'est très simple à comprendre, mais il va falloir 3 heures. Quoi. Ok. Tu veux un petit choix musical? Allez. Tu peux mettre Benjamin Biolay, le dernier. Comment est ta peine? Il aime bien ça. Ouais. Il aime bien tout ce qui est triste, Sylvain. À 3 heures du matin, il pleure là-dessus, je te dis pas. Il prend les paquets de Kleenex. Il n'est pas si triste que ça, écoute bien. C'est vrai? Bon, ben, on y va. Et on vient après pour. Très belle chanson. Faut quand même le dire. La deuxième partie avec du basket, du rugby, du tennis. Et on finira par le foot, bien sûr. A tout de suite. J'ai lâché le téléphone comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais. Indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait, comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient. Avoir entendu le glas. parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. Benjamin Biolay, ça rigole en face. Oui, je lui montre mes feuillets, c'est pour ça qu'il rigole. Ah bon, c'est 17 feuillets, ok. D'accord. Non, c'est pas la chanson qui nous fait rire. Non, non. C'était Benjamin Biolay, donc. Le basket, c'est tout de suite. Avec plein de choses. Et les matchs en quoi? Une demi-heure maintenant? Le premier match hein, de la soirée. Ouais, le premier match en 25 minutes, ouais, tout à fait. Le premier, c'est Washington Wizards contre Lakers de Los Angeles. Et ben, voilà. Si tu peux le récupérer, si on est encore là et que tu peux le récupérer. Regardez. Mais tu auras le direct, donc tu vas voir le score au fur et à mesure, tu vois les joueurs bien jouer. Si t'es sur un streaming, là, ce que je t'ai de filer, c'est sur un streaming. On va essayer de trouver ça pour suivre le direct. Pour avoir la NBA, soit tu passes par, en ce moment, par Bein. Ou alors après c'est les streaming. Parce que Bein diffuse le. Ouais, ils diffusent. Ils ont l'exclusivité. Mais ils diffusent aussi les matchs de préparation là, ça va? Ouais, ils doivent en diffuser. J'ai pas regardé, mais je pense que oui. D'accord. J'avais arrêté Bein avec le confinement, puisque j'estimais que j'allais surtout pour ça. C'est parce que tu peux voir du football français sur cette chaîne. Donc j'étais à regarder les matchs de basket dessus. Et puis comme il n'y avait plus rien, j'avais arrêté, ça sert à rien de payer pour rien. Hein. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'avantage de cette chaîne, c'est que ça, c'est que tu peux l'arrêter quand c'est sans engagement. Il faut attendre quelques mois, mais bon, là, ça va être passé, c'est bon. Donc on va reprendre là pour les playoffs, et puis on va échapper tous les playoffs. Mais bon, la chaîne que je t'ai donnée en streaming, c'est pas mal aussi. Bon, on va regarder ça. Même si, attention, le streaming, c'est pas bon pour la santé, il paraît que c'est dangereux, faut pas. Pour qui? Bah, ça pas, qui? Il paraît qu'il y en a qui veulent pas qu'on fasse ça. Ah, pour la santé des diffuseurs. Les sites, ils existent, alors nous, on y va. Hein. Ah, oui. Voilà. Donc ce soir, les Wizards contre les Lakers, premier match à 21h, 22h, deuxième match, c'est celui que je te disais que j'aimerais bien suivre, les Clippers contre les Kings de Sacramento, je vais y arriver, contre les Kings. Normalement, formalité pour les Clippers qui ont remporté leurs deux premiers matchs. Le Utah Jazz à 23h30 contre les Nets de Brooklyn. Et puis ensuite Orlando Magic, le Magic d'Orlando qui jouera à domicile mais sans jouer à domicile puisqu'ils sont à domicile sans lettre. Oui. Hein, oui, forcément, oui. Contre les Nets. Avec leur parquet. Ouais. Alors non. Là sur les matchs de préparation en fait, le parquet n'est pas celui des clubs en fait. Ils ont pas fait ça sur celui des clubs. Ils vont le faire après à partir de jeudi là. Mais pour l'instant c'est un parquet NBA simplement stipulé NBA. Par contre tout autour t'as plein de d'écrans machin avec des joueurs qui passent des logos du club. Enfin bon, c'est ce que disait Evan Fournier sur le premier match qu'ils ont joué les Magic contre les Clippers. En fait c'était comme si les Clippers étaient à la maison. Et il a dit j'ai l'impression d'être sur la PlayStation quoi, en train de jouer à NBA 2K. D'accord. Donc voilà, donc ça lui a donné cette impression-là. Enfin, je pense qu'il a dit ça parce qu'il a été trop bien défendu par Paul George et qu'il a marqué seulement 2 points sur son premier match, quoi. Parce qu'avec un défenseur comme il en avait un devant, je crois que voilà, il a compris sa douleur. Et puis le dernier match de la nuit, ce sera 2h du matin, ce sera les Pels, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre les Bucks de Milwaukee. Ça, c'est un match à suivre si vous êtes à couche tard, si vous avez la chaîne ou si vous avez un petit peu envie d'aller gratter sur les streamings. New Orleans Pelicans contre les Milwaukee Bucks. Là, ça va être un gros match avec les Bucks qui font partie, à mon goût en tout cas, je le dirai après, mais les trois favoris de ce titre, pour ce titre NBA cette année. Voilà. Alors, reprise officielle donc le 31 juillet, c'est-à-dire jeudi matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Vont reprendre les 8 premiers de chaque conférence, plus les Pelicans, plus Portland Trail Blazers, plus les Kings de Sacramento, plus les Suns de Phoenix, les Spurs de San Antonio, les fameux Spurs de notre ami Tony Parker, qui a fait d'ailleurs hier, je sais pas si vous l'avez vu, un petit truc en 3 contre 3 là, en 3-3, un petit tournoi amical, en présentation de des Jeux Olympiques à Paris. Un truc qui faisait ça pour la présentation. Et apparemment c'était Dirinor qui est venu faire un 3-3 avec Tony Parker. Donc ça devait être assez sympa, j'ai regardé un petit bout mais j'ai pas tout regardé parce que je trouvais pas ça top. Mais bon, voilà. Donc toutes ces équipes-là, ces équipes à l'ouest qui vont être repêchées pour jouer avec les 8 premiers de chaque conférence. Et puis les Wizards de Washington qui jouent ce soir contre les Lakers, qui sont les seuls à l'est à être repêchés. Donc au total, on aura 22 franchises sur la ligne de départ. Alors que normalement on doit en avoir 16 tous les ans, on en a que 16. Là on va en avoir 22. Pourquoi en avoir 22? On va redémarrer avec 8 matchs pour chacune des 22 franchises. Donc chacune des 22 franchises fera 8 matchs. Pourquoi? Simplement parce que ça va rapporter les droits télé. Oui. Alors parce que il faut comprendre quand même qu'aux États-Unis, perdre des matchs comme ça, c'est perdre beaucoup de droits télé, c'est perdre énormément d'argent, c'est mettre l'économie de nombreux clubs, de nombreuses franchises en difficulté. Donc pour que ça rapporte de l'argent, pour avoir les droits télé, on a fait 8 matchs. Ça a presque satisfait tout le monde. Il y a quand même quelques équipes qui sont pas trop contentes parce qu'ils auraient bien voulu être qualifiés là-dedans. Et puis finalement ils restent sur la touche. Alors justement, je te coupe. Comment tu expliques qu'il y ait plus d'équipes repêchées à l'Ouest qu'à l'Est? Ah, alors parce que les championnats sont beaucoup plus serrés à l'Ouest qu'à l'Est. Parce que en fait, ils ont pris des équipes qui étaient potentiellement au moment où ils ont arrêté le championnat encore qualifiables pour les playoffs. Et si tu prenais à l'Est, il n'y avait plus que les Wizards qui étaient qualifiables. D'accord. Tous les autres étaient d'ores et déjà éliminés de la course aux playoffs. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux conférences, une à l'Est, une à l'Ouest. Donc l'Est des États-Unis et l'Ouest des États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, celle de l'Est est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que les franchises qui sont à l'Est sont beaucoup moins fortes. Enfin, pas seulement dans la théorie, c'est une réalité, mais ils sont beaucoup moins fortes que toutes celles qui sont à l'ouest. Les équipes sont beaucoup plus fortes, et puis bon, t'as la côte pacifique où t'as beaucoup plus de soleil, et t'as beaucoup plus de joueurs qui veulent aller par là. Donc les meilleurs joueurs sont tous par là. Enfin, pas tous, mais en tout cas, en grande majorité, ils sont par là. Donc voilà pourquoi. Donc on redémarre avec 8 matchs, donc pour chacune des 22 franchises, pardon. Donc plus de droits télé. Mais à quoi ça sert tout ça? Bah, ça va remettre les équipes, en fait, dans le bain. C'est surtout pour ça qu'il y a 8 matchs avant, pour remettre les équipes dans le bain, ouais, avant de jouer les playoffs. Parce qu'ils veulent pas non plus balancer les mecs comme ça sans avoir joué avant sur des playoffs où ils vont arriver sur un match direct. Enfin, après je vais t'expliquer le fonctionnement des playoffs, mais sur des matchs de playoffs où t'as 7 matchs à jouer à la suite avec un niveau qui va être énorme, puisque c'est un niveau qui normalement monte en puissance quand on arrive sur les playoffs, c'est quand même très très gros. Donc pour les remettre un peu dans le bain, on leur a donné 8 matchs. Au-delà des droits télé. Et en plus, donc, ça va décider des 8 qualifiés par conférence. Ça va décider de ceux qui vont se qualifier. À l'arrivée de ça, on aura 8 qualifiés à l'Est, 8 qualifiés à l'Ouest. Voilà. Fin de ces 8 matchs, le 14 août. Donc, le 15 août, on rattaque. Ouais, pas de répit, ouais. Le 15 août, on va rattaquer. Alors, attends, parce qu'il faut que, je recherche un petit peu dans mes notes. Hein. Pas férié, en fait. C'est pas férié chez eux? Non, mais là, ça va tourner pendant un moment. Hein. Ah, il n'y a pas de répit, quoi, c'est direct. Ça va être reparti, ça va repartir. Hein. Deux solutions ensuite. Soit le 8e, il a plus de 4 victoires d'avance sur le 9e, dans quelques conférences que ce soit. Hein. Le 8e a plus de 4 victoires d'avance sur le 9e, il est qualifié. Dans le cas inverse, si le 8e et le 9e, ils ont moins de 4 victoires de différence, il y a un match d'appui. Il y a un match d'appui, ce qu'on appelle un play-in, qui va se jouer entre les deux équipes. Et là, l'équipe qui était classée 8e a besoin d'une victoire pour se qualifier, et l'équipe qui est classée 9e a besoin de 2 victoires pour se qualifier. C'est-à-dire que soit le 9e gagne 2-0 et il se qualifie, c'est bon. soit il va gagner 2-1, mais il pourra pas gagner 2-1 parce que 1-1, l'autre a fait sa victoire, il a gagné. C'est fini, ouais. Il a fait sa victoire. Ou 1-0, il a gagné. Donc c'est 2-0 ou 1-0. Ou 1-0. Ouais, ouais. Ou 1 partout, si tu veux, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une victoire pour le 8ème, deux victoires deux pour le 9ème. Si le 9ème gagne 2-0, c'est lui qui est qualifié, ouais. Le 8ème, il est dehors. D'accord ? Okay. Jusque-là, ça va, vous m'avez suivi ? Ouais, c'est bon. Ça va, ça reste clair. Je suis pas trop compliqué, ça va, c'est parfait. J'espère que les auditeurs, ils écoutent aussi et qu'ils sont ravis d'entendre ça parce que moi, je m'y perdais moi-même en notant, en prenant mes notes. Hein. Règles sanitaires, évidemment, pas de douche. Bah oui, oui. Pas de douche, en tout cas, dans la salle. C'est-à-dire que les douches, tu vas la prendre à l'hôtel. Mais en tout cas, pas de douche dans la salle. Les remplaçants espacés, à peu près, comme on a vu. 50, ouais. Alors, je pense qu'ils vont être un peu plus sérieux parce qu'ils savent que c'est suivi mondialement. Ils vont être un peu plus sérieux qu'en championnat de France de foot ou en machin, en championnat d'Angleterre ou sur la coupe qu'on a vu là il y a quelques jours. En tout cas, ça va être très très sérieux. Donc, les joueurs plus espacés. Et tous ceux qui sont pas retenus dans l'équipe sont en tribune. Interdits, ils sont formés sur le banc de touche. Tribune. Et pas d'invités avant les playoffs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les familles peuvent être invitées à partir des playoffs. Enfin, on va dire en gardant un nombre bien, bien précis. Mais t'endors pas, Sylvain. Je sais que ça va être un peu lourd, mais t'endors pas. pas d'invités en fait avant les playoffs. Pas de familles qui viennent voir, qui viennent assister aux rencontres avant les playoffs. Seulement à partir des playoffs. Donc tous les 8 premiers matchs, personne, juste les joueurs, les remplaçants qui vont être sur les bancs de touche et ceux qui sont partenus en tribune. Et puis évidemment les officiels qui seront là. Et puis peut-être. Je sais pas s'ils le font, mais peut-être les gens qui travaillent sur site au niveau des hôtels et tout ça, peut-être qu'ils auront le droit de venir voir. Je sais pas du tout. Début des playoffs, donc, alors par contre, je te disais une bêtise, début des playoffs le 18 août. Donc t'as 3 jours en fait de battement entre les deux. Là ils font ça pour que tout le monde se repose un peu. Début des playoffs le 18 août. Le deuxième tour démarre le 1er septembre. Donc t'as tous les playoffs qui vont jouer. Comment ça se joue les playoffs en fait? Je vais nous le dire. Alors, justement, parce que ça a été longtemps l'interrogation. En fait, normalement, ça se joue avec un tirage favorable pour le premier, qui est théoriquement celui qui reçoit, celui qui joue à domicile. Et qui, alors, c'est, là, je rentre un petit peu dans les trucs qui vont vous paraître plus compliqués. Hein. Le premier qui va jouer à domicile jusqu'à la fin de sa course en conférence. D'accord ? C'est-à-dire que le premier va jouer au départ, normalement, c'était prévu comme ça. Le premier joue contre le huitième. Oui, c'est ça qui a des rues. Pour la conférence ouest. Allez, à l'ouest, le premier actuellement, c'est les Lakers, et je pense que ça restera les Lakers. Ils jouent contre le huitième. Je ne sais plus qui est huitième. Enfin, on saura ça après. Donc, ils joueront contre le huitième. Ils auraient dû jouer contre le huitième. Le deuxième contre le septième. Le troisième contre le sixième. Et le quatrième contre le cinquième. Cinquième, oui. Le vainqueur du match premier contre le huitième joue ensuite contre le vainqueur du match quatrième contre cinquième. Okay. Ouais. Et le vainqueur du match 2ème contre 7ème jouait contre le vainqueur du match 3ème contre 6ème. Ouais, c'est ça. Tu vois déjà un peu le bazar. Là, je vous emmène un peu, mais là, c'est. Voilà. Là, on est parti un petit peu. C'est ce qui était prévu, ça. C'est ce qui était prévu au départ. Pas de tirage, du coup. C'est ce qui était prévu au départ. Ensuite, il a été prévu de faire autre chose. Il a été prévu que les premiers de conférence, c'est-à-dire les Lakers et puis de l'autre côté, certainement les Bucks, décident en fait et eux-mêmes choisissent leur équipe. Ah oui, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Ouais. C'est ce qu'ils voulaient rencontrer. Par exemple, les Lakers auraient très bien pu dire, nous dans notre conférence, on a que les Clippers qui nous enquiquinent, pour pas dire le mot. On va les jouer tout de suite. Hein, pour pas dire le mot. Autant les jouer tout de suite. Ça c'est fait. On les prend tout de suite. À la limite, ils vont peut-être être moins en forme maintenant qu'à la fin. Donc on les joue direct. On les joue direct. Comme ça, à la limite, si on les sac, on les sac. C'est fini. Et après, on la champ libre. Et la route, elle est voilà. On la champ libre jusqu'au bout. Là, on est tranquille jusqu'au bout. Sauf que ils avaient prévu ça, mais qu'ils sont encore revenus sur leur décision. Ah, ça c'était la semaine dernière que tu avais dit ouais, ça. Ouais, ça a pas changé. Et ils sont encore revenus sur leur décision. Et donc effectivement, ils vont faire exactement comme c'était prévu au départ, c'est-à-dire premier contre huitième, deuxième contre septième, troisième contre sixième, quatrième contre cinquième, et ensuite le vainqueur de premier 8 contre le vainqueur de 4-5 et l'autre de 3-6. Mais habituellement c'est comme ça les années. Oui, c'est comme ça. C'est tout comme le ça. Temps, ouais. Alors l'avantage est à l'équipe qui a le meilleur ratio sur la saison. Alors là, je rentre pas dans les calculs, parce que là, ça va être compliqué, parce que t'es l'équipe qui peut être classée 7ème, et qui peut être devant en ratio une équipe qui est classée 4ème. C'est un truc de malade. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, je vais t'expliquer, tu fais un plus, tu dessines un plus, comme si t'écrivais plus sur une feuille de papier, et tu mets ça au milieu de la carte des États-Unis. Ouais. Le nord-est, le sud-est, nord-ouest, sud-ouest, d'accord ? T'as la conférence, c'est-à-dire tout l'ouest, tout l'est. Et à l'intérieur de ces conférences. À l'intérieur des conférences, t'as des divisions. Les sous-conférences. Nord-ouest, sud-ouest, nord-est, sud-est. J'essaie d'y arriver en même temps, vous, hein, pour vous faire suivre. Donc là, t'as des divisions. Et ensuite, t'as les autres conférences qui vont jouer chez les conférences. Une division, par exemple, la division nord-ouest, ils vont jouer 4 fois contre les équipes de leur division. Ouais. Chaque équipe se rencontrera 4 fois. Par contre, ils vont jouer 3 fois contre les équipes de la division en dessous de la même conférence. Sud et ouest, disons. Ouais. Voilà. Et ils ne vont jouer que 2 fois contre les équipes de l'autre conférence. Voilà, sauf que c'est pas fini. Sauf que c'est pas fini. Ça aurait été trop simple. Sauf que comme il y a des équipes qui n'auront pas 82 matchs, puisqu'une saison régulière c'est 82 matchs, eh ben il va y avoir des tirages au sort pour trouver quelle équipe ils vont jouer trois fois, quelle équipe va jouer trois fois dans la conférence opposée. Inverse, oui. Enfin bon, c'est un micmac. Jusque là, on n'a pas fait la moitié encore. Mais voilà, c'est un joli micmac. Tu vois à peu près le brin. Voilà. Est-ce que vous avez jusque là des questions? Pour l'instant, c'est... non. Je te suis. Ouais, non, ça va. Est-ce que je suis clair? Ça va. Bon, et eh ben si je suis clair, je dois être clair aussi pour les auditeurs. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est le fonctionnement des playoffs. Donc premier tour des playoffs le 18 août. En théorie, on aura donc les Lakers qui sont premiers de leur conférence Ouest contre je sais pas qui finira 8e. Les Clippers qui finissent 2e et qui finiront sans doute 2e qui joueront contre le 7e, etc. Donc en théorie, les Clippers et les Lakers ne peuvent pas se rencontrer avant la finale de conférence. C'est ça, ouais. Voilà. Pourquoi en théorie? Bah, ah ouais. En théorie, si jamais ils perdent, ils se rencontreront même pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, s'il y en a un qui perd les deux, qui se fait sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un match, par exemple, premier contre huitième, Lakers contre le huitième, ça se joue au meilleur des sept rencontres. Il y aura sept matchs à jouer entre les deux équipes. Hein. Jusqu'à sept matchs, oui. Alors, là, on fait début des playoffs le 18 août. C'est-à-dire que le 18 août, les Lakers joueront contre le huitième. Et ils jouent ça au meilleur des sept matchs. C'est-à-dire qu'on part sur sept matchs. Dès que tu arrives à quatre victoires, ouais. C'est fini. Ouais. C'est fini. La série s'arrête. Alors, il peut arriver la saison dernière, mais il peut arriver qu'une équipe fasse ce qu'on appelle un sweep. Un sweep, c'est 4-0. Tu mets 4-0, c'est 4-0, oh, c'est un sweep. Ouais. T'as sweepé l'équipe adverse. À partir du moment où t'as sweepé l'équipe adverse, ça s'arrête à 4-0. Là, ouais, on finit pas les autres matchs, ça sert à rien. Hein. Alors, tu finis pas les autres matchs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si l'équipe qui va jouer ensuite contre toi, elle va en 7 matchs, bah... eux, ils continuent à jouer pendant que toi, t'es à l'arrêt. Et tu te reposes et eux, ils vont enchaîner direct. Mais eux, ils vont enchaîner direct. Alors, ouais. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Il faut garder ton rythme parce que t'as quand même tes entraînements. Mais eux, à côté, ils gardent aussi les rencontres et l'esprit de compétition, le rythme de la compétition. Que toi, tu n'auras plus à l'entraînement. T'as pas forcément l'esprit de compétition et un entraînement de compétition. Donc à 4-0, ça s'arrête. Est-ce que, disons, si t'as 3-1, oui. Tu fais 4-1, après, pareil, on continue pas les... 4-1, ça s'arrête. On continue pas le premier à 4, ça s'arrête. On fait pas les autres matchs, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là que ça devient important, c'est que t'as un avantage du terrain. C'est-à-dire que le premier sur le huitième, le premier a l'avantage du terrain sur le huitième. Ouais. Et c'est pour ça que je t'expliquais l'autre fois qu'ils ont amené des parquets, en fait. De chaque franchise, ils ont amené les parquets. Et ils vont changer les parquets entre les tours. Il y a un match tous les deux jours. Donc ils ont deux jours, 24 heures en fait, pour changer le parquet et remettre pour les suivants derrière, pour le match d'après. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça. Au départ, deux fois, les Lakers vont recevoir, d'accord ? Ensuite, je dis n'importe quoi, je vais dire n'importe quelle équipe, les Spurs par exemple. Deux fois ensuite, c'est les Spurs qui reçoivent. Ça fait 4, ouais. Ça fait 4. Ensuite, c'est les Lakers qui vont recevoir, ça fait 5. S'il y a un match 6, les Spurs reçoivent, ça fait 6. Et 7. Et le dernier match, donc le match décisif, se passe l'avantage du terrain chez les Lakers qui était classé. Toujours, voilà, donc il a toujours l'avantage. Donc ils joueront 4 matchs à domicile pendant que les autres en joueront 3. Ça veut dire 4-3, quoi. Enfin. C'est pas sûr, mais. T'as des victoires à l'extérieur, hein. T'as des fois des équipes qui vont gagner. Et quand tu gagnes à l'extérieur, tu récupères pas l'avantage du terrain? Ah non, non, tu peux le récupérer après, par contre. Ah oui. Tu peux le récupérer après. Parce que si tu joues premier contre 8ème et que le 8ème sort le premier, il récupère l'avantage du terrain sur ensuite l'autre match qui vient. Ouais, quand il arrive, lui, il est... Tu vois, voilà, c'est un peu compliqué, là, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais bon, c'était pour que vous compreniez bien qu'en fait, c'est au meilleur des 7 matchs. Dès qu'il y en a un qui arrive à 4, c'est fini. Ouais. Donc, meilleur des 7, forcément, il faut aller à 4. Bah oui, oui. S'il y a 4-0, on terminé, arrête. Ouais. S'il y a 3-1 et comme tu dis 4-1, on arrête. S'il y a 4-2, on arrête. Et à 4-3, bah, c'est que t'es allé au bout. D'accord ? Jusque-là, tout va bien ? On continue. Vas-y. On continue. Donc le deuxième tour, lui, va démarrer le 1er septembre. Alors je crois qu'il y a 48 heures, je crois qu'il y a deux jours entre les deux tours. Entre le début des playoffs et le début du deuxième tour. Oui. Donc tu vas avoir 8 équipes, donc ça fait comme un quart de finale dans chaque conférence, une demi-finale et une finale. Donc on arrive là au deuxième tour, donc c'est la demi-finale de conférence. De conférence. Donc le deuxième tour démarre le 1er septembre. Et la finale de conférence démarre 15 jours après. Ils ont prévu 15 jours entre chaque date. Ils D'accord. Alors, ils risquent peut-être de raccourcir. C'est-à-dire que si toutes les équipes sont qualifiées, ils vont peut-être raccourcir. Ouais. Pourquoi ça? Simplement parce que, on le sait, hein, cette année, les playoffs vont se jouer où? À Orlando, chez Walt Disney Resort, machin. Et ils ont fait ça, justement. Et aujourd'hui, ils payent très cher. Plutôt, on peut finir. Très, très cher. Donc, plutôt moins ils vont louer le lieu pour faire ça. Sauf que, encore une fois, je vais encore t'en amener une, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire des droits télé, je crois que c'est la Fox, qui s'occupe des droits télé, qui donne les droits télé. En fait, il y a aussi le propriétaire de Walt Disney Resort, machin. Ah ouais, donc ils ont tout bénéf partout. Donc quoi. Ils ont tout bénéf en fait en faisant venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça se passe à Orlando chez Walt Disney. C'est parce qu'en fait, non seulement ils ont peut-être perdu un peu de visibilité avec la télé, mais ils vont la récupérer avec Walt Disney. Ouais, ouais, bien sûr. Donc quelque part, ils ont récupéré leur argent. Donc tu vois, tout ça, c'est bon. Ils l'expliquent pas tout ça, on te l'explique pas. Mais moi, je te le dis parce que je t'avais dit, j'avais dû te faire préparer un truc pour justement t'expliquer tout ça, parce que c'est très compliqué quand même à comprendre quand tu suis pas du tout la NBA. Hein. Ah, c'est sûr. Donc tous les matchs, comme je te disais, début de la finale NBA le 30 septembre, le mercredi 30 septembre. Donc là, on a fait la finale de conférence à partir du 15 septembre, et normalement, à partir du 30 septembre, la grande finale. À mercredi, début de la grande finale. Donc là, c'est conférence ouest, premier, le vainqueur, contre le vainqueur de la conférence est. Au meilleur des 15 matchs. Voilà, exactement. au meilleur des 15 matchs, voilà. Et tu t'arrêtes au mois de septembre de l'année 2035. Voilà. Non, non, au meilleur des 7 matchs, arrête de dire n'importe quoi, les gens vont plus rien comprendre. Tous les matchs, comme je te l'ai dit, hein, au Walt Disney World Resort, excuse-moi, à Orlando. Chez Mickey, quoi. Chez Mickey, voilà, c'est ça. Et donc, attends, parce que j'ai remarqué autre chose. Chaque équipe joue tous les deux jours, sauf pour les possibles play-in. Où là, les play-in, c'est quand il y a, ou quand tu dois jouer sur le dernier, que tu joues deux matchs contre un match. Voilà, pour les tours d'avant. Là, tu joueras en back-to-back. C'est-à-dire, back-to-back, c'est-à-dire un match tous les soirs. Pour les séries où tu sais que je te disais tout à l'heure c'est terminé à 1-0 ou à 2-0. Oui. Cela, c'est soit tu joues un match le lundi, par exemple, et le lendemain, tu vas jouer le mardi, tu vas jouer le deuxième match sur ces séries de 3 matchs. Ouais, tu enchaînes. Même moi, tu vois, j'arrive à m'en mêler. Hein. Je vais arriver à m'en mêler les crayons. C'est presque fini. Donc, c'est fini en tout cas pour l'explication de tout ça. Mes favoris à moi aujourd'hui. Si vous avez envie d'en donner, si vous connaissez un peu l'NBA, vous pouvez en donner. Bah, moi, c'est les Lakers. Hein. Mes favoris, j'en ai 3. J'y crois pas aux Lakers, honnêtement. Ça fait partie de mes favoris, mais j'y crois pas. Ah, pourquoi c'est tes favoris hein c'est, Non, ils font partie de mes favoris, mais c'est le troisième favori. Moi, ouais. Moi, je te donnerai dans l'ordre Clippers, vainqueur de la NBA cette année. Pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont le meilleur banc de toute la NBA. C'est incontestable. Ils ont pas arrêté là sur les matchs de préparation. Ils ont joué avec des équipes en bois où les mecs étaient tous partis à droite à gauche. Je vais vous expliquer 2-3 petites anecdotes, ça va vous faire marrer un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que t'en as un qui avait le coronavirus. Il était en quinzaine. T'as l'autre, il est parti parce qu'il intéresse un copain à lui. Il avait grandi, c'est Beverly. Beverly, c'est le loupard de la bande de l'équipe. Il a grandi à Chicago. Et il a un de ses meilleurs potes d'enfance qui s'est fait flinguer à Chicago la semaine dernière. Donc il a enterré le copain, c'est des mecs qui étaient dans les gangs. Hein. Donc il a enterré le copain qui était dans un gang à Chicago. Donc il était parti de la bulle. Donc lui, il était pas là pour jouer la semaine dernière. T'as Landry Shamet qui était parti je sais pas où non, je crois que lui, il était en Corona. T'as Zubac, mon fils me disait, parce que lui, il est fan des Clippers, hein, il m'expliquait, il me disait, je sais pas Zubac, mais il me dit, à mon avis, il était avec Novak Djokovic faire son tournoi, parce qu'il n'en a pas eu de nouvelles, on savait pas où il était. Il était 3 semaines sans venir, et d'un seul coup, il est apparu. Donc on sait pas. Et puis, on a Montrezl Harrell qui est encore absent au jour d'aujourd'hui, qui sera pas là ce soir dans l'équipe, qui est toujours absent et qui fait partie aussi des grands joueurs de la NBA. Et puis, on a Lou Williams. Alors lui, c'est la meilleure. Lui, ça va bien vous faire marrer. Lou, il est parti pour enterrer son grand-père. Ce qui était vrai, hein, c'est pas une blague. Il est parti enterrer son grand-père, donc on lui a donné une permission pour partir enterrer son grand-père. Et lorsqu'il est parti enterrer son grand-père, en fait, il est allé dans un club de stripteaseuses. Il est allé manger dans un club de stripteaseuses. Il a abandonné le grand-père. Hein. Et voilà, et manque de bol, il s'est fait choper. Ouais, il y a des yeux partout. Hein. Mais alors, il va enterrer le grand-père, il va au club de stripteaseuses. Donc il sait qu'il doit pas faire ce genre c'est de choses. Il s'est trompé d'endroit, non ? Alors non, trompé, hein, pas du tout. Il a dit que c'est un endroit. Il a quand même réussi à dire que c'était un endroit qu'il fréquentait régulièrement. Mais le alors, grand-père ou... savoir qu'il est marié 3 fois, hein, c'est un mormon. Hein. Il est marié 3 fois, hein, donc et que tu peux me regarder bizarrement. Et en fait, tu vas me perdre dans mon truc tellement je vais en rigoler. Mais en fait, voilà, il est allé dans ce club parce qu'en fait, il a l'habitude de manger là-bas, enfin de manger dans manger ce restaurant. Dans ce restaurant. Qu'est-ce qu'il mange ? Dans ce restaurant. me jette pas des caillasses comme ça, ça ira pas. Je rentrerai pas sur ce terrain-là. Donc en tout cas, il mange dans ce restaurant. Et le fait de manger dans ce restaurant, d'habitude, il se fait livrer chez lui. Et là, pour une fois, il a pas eu envie de se faire livrer, il a eu envie d'y aller, et il s'est fait choper. Donc, il était question qu'il soit suspendu pendant 10 jours de match, Et en fait, il semblerait qu'il soit présent même ce soir sur la feuille de match. Ouais, ça s'est arrangé. Ils ont besoin de lui. Je pense qu'ils ont dû amener 2-3 ciseuses. Il a dû en amener au coach. Et je vous emmène du monde, ça c'est bon. Mais tu vois jusqu'où ça va. Donc, moi, mes favoris, c'est les Clippers pour moi qui seront vainqueurs NBA. Je pense que je les vois avoir gagné le championnat cette année. Avec les Bucks de Milwaukee et l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Le grec. Hein, le grec. Voilà. Et qui a d'ailleurs son frère aussi qui s'est bien fait bâcher la semaine dernière. Et puis donc, un degré moins, je mettrai les Lakers qui pour moi, bon. De toute façon, ils vont jouer leur finale de conférence. S'ils la gagnent, ils iront peut-être au bout. Peut-être, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre. Mais honnêtement, je vois aujourd'hui un joueur comme Paul George qui est hyper fort aux Clippers. Je vois Kawhi Leonard qui est hyper fort, mais qui aujourd'hui joue au ralenti. Et si tu regardes le match ce soir à 22h, tu verras, il joue au ralenti. Et pourquoi il joue au ralenti? Bah parce que monsieur va jouer quand ça va être les playoffs. Avant, ça l'intéresse pas. Et quand il va commencer à se lancer, je te rappelle quand même que c'est lui qui est arrivé les Toronto Raptors cette année et qui a amené les Toronto Raptors l'année dernière au titre de champion NBA. Et il les a amenés à lui tout seul. Et le gars, il a fait une finale phénoménale. Donc cette année, en plus, il a Paul George, il a des gars comme Montrezl, il a des gars comme Zubac, il a tous ces gars-là autour de lui. C'est énorme. Il a une équipe énorme. Voilà. Et puis ma petite surprise, si vous avez une pièce à mettre sur une équipe pour gagner un peu de sous, le Thunder d'Oklahoma City. Voilà. Voilà mes favoris. À suivre aussi les Nuggets, mais ça c'est autre chose. C'est parce qu'il faut suivre le duo Jokic-Bol Bol. Jokic, c'est un joueur qui est normalement qui fait partie de la raquette, hein, qui est un des grands joueurs de l'équipe. Et cette semaine, la grosse surprise, c'est qu'ils nous ont mis Jokic, les Nuggets de Denver, ils nous ont mis Jokic en meneur de jeu. Alors que d'habitude, il joue pivot, enfin pas pivot, poste 4 ou 5. Donc c'était surprenant. Donc faudra suivre si Jokic est toujours à ce poste-là. Mais je crois que c'est surtout parce que Jamal Murray n'est pas là actuellement qu'ils l'ont mis là. C'était un peu pour les besoins de la cause. C'est pas sûr qu'on le voit comme meneur de jeu pendant les playoffs. À suivre. À suivre, ouais. Et puis par contre, Bol Bol, c'est un petit jeune qui a 20 ans, qui mesure 2m18, qui a une envergure de 2m32 ou 35, je sais plus combien, un truc comme ça. Donc tu vois l'envergure quand il étale les bras. C'est un mec qui lève le bras et touche l'arceau. Ouais. Donc voilà, il fait une centaine de kilos, il est pas très lourd. J'en parlais tout à l'heure sur le retour du travail avec mon fils là, qui me disait lui que, parce que moi je lui disais, mais le seul problème de Bol Bol c'est les blessures. Un grand gabarit comme ça de 2m20, c'est difficile les blessures. Il m'a dit oui, mais il est pas très lourd. Donc finalement les appuis ça va pas trop le déranger. Donc on verra ce qu'il en est. Mais à suivre ce Bol Bol au Denver Nuggets, c'est vraiment à suivre parce que c'est un super joueur et c'est l'avenir de la NBA. À 20 ans, même pas 20 ans, c'est l'avenir de la NBA. Voilà, voilà à peu près pour le tour que j'avais à faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à me demander? Est-ce qu'on a des Français concernés? Alors on a des Français concernés, bien sûr. Bien sûr qu'on a des Français concernés. On a Evan Fournier qui est à Orlando. On a notre grand ami Joachim Noah qui est arrivé aux Clippers. Donc justement, j'en parlais pas tout à l'heure, mais Joachim est arrivé aux Clippers, a signé aux Clippers et va leur filer un gros coup de main. Et ça aussi, c'est un sacré appui, hein, Joachim Noah aux Clippers. Ils l'ont signé juste avant, là, pendant le confinement, alors qu'il était déjà laissé chez eux, qu'ils devaient déjà le signer, mais qu'avec le confinement, ils avaient rien fait. Alors finalement, ils l'ont signé et il peut jouer pendant les playoffs. Donc il y a Joachim Noah. Et puis on a aussi notre cher pivot du Utah Jazz, comment il s'appelle, Rudy Gobert. Oui. Rudy Gobert, celui qui a fait le zouave au départ là, du confinement. Oui. Ouais. Celui qui c'est tout ça, oui. Voilà. Franck Ilitina, non, s'il est encore à New York, il n'est pas qualifié, donc non. Et puis après, bon, non, je ne vois pas d'autres, en tout cas pas d'autres grands noms, pas d'autres titulaires, on va dire. Ça, c'est les titulaires, je te parle des titulaires, ou titulaires en possible titulaire, comme Joachim Noah, qui pourrait être amené à être titulaire à un moment donné dans les playoffs. Et deuxième question, pour toutes les autres équipes qui ne sont pas concernées par les playoffs. Oui. La reprise de la prochaine saison, on a une date? Oh, alors là, pour l'instant, ils ont rien. Déjà, ils sont pas foutus de te donner avec certitude les reprises de cette saison. Parce que pour l'instant, attention, ce que je vous ai pas dit, c'est que on est quand même à 3 jours quand même de la reprise. On joue actuellement, là, dans les salles, ils jouent. Mais c'est même pas certain que ça reprenne dans 3 jours. Hein. Ouais, à 3 jours. On peut très bien nous pondre qu'il y a eu trop de cas d'arrivée dans la bulle. Et puis finalement. À 72 heures, c'est même pas officiel. On met un frein à tout. Hein. Bah, c'est officiel, si, en théorie. Plus ou moins, Mais bon. On sait jamais, l'accident peut arriver, hein, voilà. Il peut toujours y avoir quelque chose. Non, parce que j'étais en train de me dire que pour les autres équipes, on va arriver à des mois et des mois d'interruption. Hein, ça... Ah, mais oui, tout à fait, mais on est complètement d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui se plaignent, parce que je sais plus quelle équipe s'est plainte. Il y a une équipe qui s'est plainte qui n'est pas qualifiée, là, parce qu'en fait, ils avaient basé tout sur le. Sur la saison complète avec des jeunes. Ils avaient misé sur des jeunes. Ils avaient fait toute la saison avec des jeunes pour justement leur donner de l'expérience et les faire monter très vite. Ouais. Et ces jeunes-là montaient en puissance. Et ils espéraient justement avoir la chance de pouvoir revenir un petit peu et de pouvoir se replacer, et ben finalement rien du tout. Je vais pas dire peau de machin, mais peau de machin quand même. Et donc, résultat des courses, ils sont là, ils sont plantés. Donc, eux, ils sont obligés d'attendre la saison prochaine, et comme tu l'as dit, La saison pourrait se terminer. Ils auraient joué 8 matchs s'ils étaient venus là, alors que s'ils avaient continué la saison, ils en auraient joué encore 15 ou 20. Est-ce qu'ils peuvent pas se rencontrer entre eux? Ils vont peut-être faire des oppositions, mais avec le virus, très honnêtement, j'en doute. C'est compliqué, ouais. J'en doute parce que je pense que les États-Unis, on le sait, hein, c'est à peu près comme nous il y a 2 mois. Bah, on le disait, ouais, plein de choses annulées. Formule 1 tout annulé là-bas, tennis on en parlera, ça s'annule encore, comment ça s'annule, parce que imagine là, ça c'est des saisons qui sont arrêtées au mois de mars, ouais, qui va, admettons ça reprenne en décembre par exemple, ouais. Ça fait quasiment 9 mois. Ah, mais eux c'est énorme. Ouais. Ah oui, mais c'est énorme, bien sûr. Bien sûr que c'est énorme. Ça c'est fait pratiquement une saison de ratée pour eux. Ouais, c'est ça. C'est une cata. Avec des joueurs sous contrat, quoi. Ah, bah, de toute façon, ils sont tous payés, hein, ça, faut pas t'inquiéter. Ils sont tous sous contrat, ils ont des contrats tant à l'année. Alors, ce qu'il faut savoir, je sais pas si tu connais le fonctionnement des salaires aux États-Unis, hein, mais d'ailleurs, ils commencent à en parler un petit peu du salary cap en France dans le football. On en commence à en parler de plus en plus, mais ce qu'ils appellent le salary cap, en fait, c'est ce qu'ils font aux États-Unis, ce qu'ils pratiquent aux États-Unis. Ils ont un certain budget global de salaire à donner, oui, à distribuer, ouais. Et ils le distribuent entre tous les joueurs. C'est-à-dire que quand ils ont un joueur qui est payé, je dis n'importe quoi, mais 30 millions la saison, l'autre à côté va être payé que 3 millions. Pourtant, ils ont peut-être le même niveau. Sauf que parfois, le gars, il fait ça parce qu'il sait que plus tard, il va récupérer son argent plus tard. Alors, ça aussi, c'est un business, je vais pas rentrer dedans parce que là, les gars, on est là demain matin encore. Hein. Et il est déjà 21h. Et le match est commencé, les Lakers. Ouais, ouais, regardez. Mais là, je te dis, sincèrement, c'est un sac de nœuds. Voilà. Il y a que eux pour faire des trucs pareils là-bas. Alors normalement t'as les logos, je sais pas si tu vas le voir, mais ouais, tu vas peut-être pouvoir démarrer. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la NBA ce soir. Okay. En tout cas, j'ai hâte déjà d'être à tout à l'heure, regarder les Clippers tout à l'heure à 22h, là, dans une heure. Et puis j'ai hâte de commencer les playoffs. Voilà. Baisse le son, ce sera mieux. Et ils vont te montrer. Ça va partir. Voilà, tu vas l'avoir. Alors. Et donc, bah, pour l'instant, t'as 0-0, forcément, c'est pas 3 minutes, dans 3 minutes, ça ouais. démarre. Et honnêtement, quand ça va avoir démarré dans 3 jours, il faudrait vraiment une grosse catastrophe pour que ça aille pas au bout. Ouais. Vraiment, hein, faudrait vraiment. Mais si on démarre, on finit, ouais, quoi. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont rester 15 jours. Hein. Bah et oui. Là, ils font le premier tour et ils dégagent. Hein. Après, ils s'en vont. Hein, ouais, il reste pas sur place. Ils vont pas rester là. Alors, une question au niveau des retransmissions télé. Est-ce qu'on va avoir, comme pour le foot, des faux bruits d'ambiance? Écoute, moi, pour avoir regardé les matchs là, comme je les ai regardés là sur le streaming, j'ai pas eu de bruit d'ambiance. Tant mieux, j'ai envie de te dire. J'ai eu que ah oui, non, c'est ridicule. J'ai entendu les mecs qui étaient en tribune qui criaient un petit peu. Bon, comme on est à Gien quand on va voir le handball, hein. Tu vois, une trentaine de mecs qui gueulent un peu là, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est pas plus mal. Oui, non, mais c'est pas plus mal. Bah, t'as bien raison. Et c'est pour ça qu'Evan Fournier disait, on avait l'impression d'être sur NBA 2K sur la PlayStation, quoi. Parce que il dit, on avait des lumières partout qui s'allumaient autour. On entendait 2-3 mecs qui gueulaient et c'est tout. Donc on avait l'impression de jouer au jeu. Ouais. Mais je te dis, encore une fois, je pense que lui il a dit ça parce qu'il s'est pris vraiment une leçon de basket contre Paul George, avec Paul George, qu'il avait en adversaire direct. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le basket. On parlera de l'OLB la semaine prochaine. Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas eu grand chose de plus. Il n'y a rien eu de nouveau. Voilà, donc très bien. Un mot de direct, donc dans un instant, début du match entre Washington et les Lakers. Ouais, les Wizards contre les Lakers. C'est ça. Si tu dis Washington, tu dis Los Angeles. Hein. Ouais, mais j'avais envie de faire les deux. Bah non, c'est les Wizards contre les Lakers. Voilà, Washington Wizards contre Los Angeles Lakers. Voilà, exactement. Et puis au foot, c'est la demi-finale aller des playoffs de Championship entre Cardiff City et Fulham, 0-0. Depuis 20 minutes, à suivre sur Beansport 1. Voilà, un petit mot très rapide de rugby, juste une info concernant l'équipe de France et le calendrier potentiel de l'équipe de France pour la fameuse tournée d'automne qui devrait être organisée. Alors, dans l'hémisphère nord, il n'y aura pas de confrontation entre le nord et le sud. Donc les Bleus qui pourraient affronter l'Écosse, l'Italie et le Japon. Donc dans cette fameuse tournée d'automne avec donc 8 nations, donc celle du tournoi destination plus le Japon et les Fidji. Voilà, un tournoi qui va se faire en 4 matchs, 3 matchs de poule et un match de classement. Donc ça qui est destiné à remplir un petit peu les finances des fédérations, des différentes fédérations. Voilà, donc ce sera pas un vrai titre, mais voilà, ce sera un mini tournoi qui devrait avoir lieu a priori. Donc entre le tournoi destination plus le Japon et les Fidji. Voilà, donc on verra un petit peu si ça se fait. Est-ce que vous trouvez ça sympa ou pas du tout? Ça vous plaît pas ou très artificiel? S'en fout. Ouais. Franchement, ouais. Et puis Écosse, Italie, Japon. C'est pour faire un éventail que je te l'ai donné. Hein. Écosse, Italie, Japon, ouais. Ouais, c'est bien quoi, mais c'est pas. il faudrait vraiment rencontrer les nations du sud quoi, pour... et là, ils peuvent pas là. De toute façon la tournée d'automne elle sert à rien, moi je vous dis ça comme ça, mais bon, faites en ce que vous voulez hein. Et pendant ce temps là l'Angleterre par exemple elle fait quoi? L'Angleterre sera là puisque c'est les équipes destination avec le Japon et le Fidji, mais comme tu joues que 3 matchs de poule, okay, tu peux pas rencontrer tout le monde. Ouais, okay. Et après, peut-être qu'on rencontrera l'Angleterre en match de classement, hein. Oui. Peut-être. Pourquoi pas, hein. Si ça se fait. Une fois que c'est fait, les 3 matchs, les équipes rencontrent les nations classées à la même place qu'elles dans l'autre groupe. Parce qu'il y aura deux groupes, et l'autre groupe, c'est Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Fidji. Alors, donc on est dans un groupe, et l'autre groupe, c'est composé avec ces équipes-là, les 4 autres. Et voilà, donc qui devrait avoir lieu. Tu peux me répéter celle de l'équipe de France, là ? Donc France, Écosse, Italie, Japon. Et donc, de côté, Angleterre, Irlande, Pays de Galles, Fidji. Ah bah, France-Angleterre en finale. Bah ouais, un match de classement, pourquoi pas. Ouais. Oui, c'est pas un match de classement, c'est la finale. Ouais. Premier contre premier, c'est la finale. Ouais, mais ils appellent ça un match de classement, ouais. Ah oui, parce qu'il y a deuxième contre deuxième, troisième contre troisième. Pour moi, premier contre premier, c'est une finale. Hein. Ouais, ce sera une genre de finale, si tu veux. Mais ce ne sera pas annoncé comme ça en tant que tel. Ce qui devrait avoir lieu entre le 24 octobre et le 5 décembre, avec un week-end de repos les 7 et 8 novembre. Voilà, c'est ce qui est prévu pour le moment, sous réserve encore une fois. Ils auraient mieux fait de se tortiller la cheville. Et puis de nous attendre le tournoi destination de l'année prochaine, ouais. Et de l'envoyer correctement. Alors tiens, en parlant de tournoi destination, oui, je sais. Ouais. On avait parlé qui pourrait potentiellement, enfin en tout cas la France, qui pourrait peut-être recevoir l'Irlande sur le match de retard, match du titre. Hein. Ouais. Est-ce que tu sais où on sera au moment où ils ont annoncé ça? Pas du tout. Bah moi non plus. Je viens de là. Ils ont annoncé ça dans 3 mois, je sais plus combien ou 2 mois là, mais attends, au mois d'octobre, je crois un truc comme ça. Ouais. On sait pas ce qu'ils annoncent au mois d'octobre, donc qu'est-ce qu'ils annoncent ça? C'est bien de le prévoir, mais il va pas l'annoncer maintenant. Attends d'être sûr déjà. Bah, on n'est même pas sûr pour mercredi pour la NBA alors. Je te dis, tu imagines même pas. Alors c'est parti, ça y est. Depuis 30 secondes dans la rencontre de la NBA. Voilà, donc pour le rugby, c'était tout ce qu'on... Concerne les noms des favoris que je t'ai donné, Sylvain, hein, tu regarderas. Tu verras si j'avais raison quand même. Mais je vais garder ton document précieusement et on en reparlera à la fin. Ouais. 3 infos au tennis rapide. Le tournoi de Washington qui devait avoir lieu pour la reprise du plateau ATP a été annulé déjà. Voilà, ce qui devait avoir lieu mi-août, donc annulé. Et la tenue du US Open est très incertaine de plus en plus. Voilà, donc il pourrait être aussi annulé celui-ci. Et peut-être suivre avec d'autres. Sur les États-Unis, on le disait tout à l'heure déjà, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'US Open risque d'être remplacé, voire complètement annulé. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Concernant l'US Open, donc les joueurs vont loger dans 2 hôtels différents. C'est ce qui a été annoncé, s'il a lieu, bien sûr. Il y en a un seul, moi j'en connais qu'un seul. Tu n'en connais qu'un seul, toi ? Bah oui, tu me parles de loger. J'en connais qu'un seul. Ah ouais, un Sylvain, c'est ça. Donc voilà, donc c'est ce qui est prévu. Murray qui pourrait être présent à l'US Open s'il a lieu. On a des incertitudes pour les têtes de série, hein, comme Djokovic ou encore Nadal. Voilà, et puis les petits jeunes aussi qui démarrent. Est-ce qu'ils sont présents ? On ne sait pas. Donc encore tout ça en suspens. Et puis une info aussi concernant Roger Federer qui a repris l'entraînement physique, ça y est, après sa deuxième opération du genou droit, fameuse arthroscopie, il a repris l'entraînement physique et il devrait retrouver les cours pour la vraie reprise dans 15 jours et reprendre la saison prochaine, donc janvier, ce qui devrait être, ça y est, cette fois la dernière saison, alors on en parle chaque année. Mais là, il a eu des interviews du Suisse qui présagent peut-être une dernière saison. Bon. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'il va encore refaire 2 ans ? On ne sait pas. Est-ce qu'il va jusqu'à 40 ans ? Parce qu'il y en a 38. Hein. Il y aura 39 le mois prochain, dans quelques jours. Et voilà, il y aura, ça c'est sûr, une saison 2021. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? On verra. Voilà, tout voilà les petites infos tennis. La reprise, pas mi-août même, puisque Washington a annulé. Est-ce que ce sera annulé jusqu'à fin août et l'US Open ? On verra bien dans quelques jours. Voilà, on va marquer une pause et finir avec le foot dans le dernier quart d'heure. Pas de changement pour le foot, du changement en basket bien sûr, ça c'est certain. 5-4. Ça va changer pas mal là. Ça va beaucoup changer. 5-4 pour Washington. Après 5 minutes un peu plus, non même pas 3 minutes de jeu. Ah tiens, au fait, juste préciser quand même que ces matchs-là se jouent en 4x10 minutes, hein, et pas en 4x12. Parce que les finales NBA, tout ce qui est play-off et compagnie, c'est 4x12 minutes. À partir de jeudi, ce sera 4x12. Alors là, c'est déjà 4x12. Là, c'est 4x10 normalement. Non, c'était 12. Ils ont déjà mis en 12, non, c'est pas. Ouais, ouais, c'était que le premier match qui était en 10. Ah, en même temps, on en avait parlé. Ah bah d'accord. Le tout premier match de préparation. Je pensais que c'était les 3 matchs. Non, c'était juste un, le premier. Pour repartir tranquillement. Mais alors, là, autant pour moi. Parce que là, s'il y avait 8-4 au bout de 45 minutes, c'est que. Non, mais j'ai pas l'écran devant les yeux, moi, là. Si, tu l'as, là, rien. Non, mais je le vois de loin, j'ai pas mes lunettes, elles sont ouais, pas. Ouais, bon, allez. Je les ai prises pour lire. On va t'excuser, alors. Je t'ai préparé un petit truc aussi pour après, là, parce que je te vois venir, donc je t'attends. D'accord. une pause, et puis on revient pour le dernier quart d'heure. Qu'est-ce qu'on écoute? Non, Sylvain, il est chaud, là, parce que. Il était triste de ne pas avoir chanté depuis la semaine dernière. Mets-moi un petit AA, s'il te plaît. Take on me? Non, pas Take on me. Vas-y, il faut voir qu'est-ce qu'on a. Alors. Ouais, il en avait demandé une autre fois, mais il n'était pas là déjà. D'accord. Bon, on peut pas Take on me, je me suis fait rembarrer, merci. Ça t'apprendra, hein, la prochaine fois. Il fait très très chaud ici, il faut le dire. Enfin, pas pour moi, mais pour vous. Tu peux mettre Stay on this road, s'il te plaît. Très bien. Vous avez un peu chaud, non? Non, ça en va. Là, on voit que la nuit tombe, là, c'est bon, ça commence à se rafraîchir. Ouais, il fait très bon ici. Ah, excusez-moi, mais. L'avantage, c'est que tu vois, on fait pas de sport, mais on maigrit. C'est ça. En tout cas, on fond. Je sais pas si on va maigrir, mais on va fondre. Allez, donc, avec Stay in this world. C'est parti. Quel accent. C'est beau, hein. 21h13. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie. À tout de suite. AAA, donc avec le titre. Christophe, tu peux nous le donner? Tu me l'as enlevé. Je vais pas te le donner. Tu me l'as enlevé. Stay on this road. On tisse road. On tisse road. Reste sur la route. Par contre, t'aurais pu rester sur la musique. C'était pas fini. Hein. Si, ça y est. Non, maintenant, oui, c'est fini. Mais il en reste encore un quart d'heure là. Un quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure de musique. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Alors, parle-nous football. Vas-y. Je sens que t'es chaud là. Je sens que t'as envie de nous parler football. Ouais, de quoi vas-tu nous parler? Pas plus que ça, mais oui. Avant ça, je vous rappelle les directs. D'abord, Cardiff City Fulham 0-0 après 34 minutes de jeu. C'est les demi-finales aller de play-off de Championship. Et en NBA, Et bien, le score pour l'instant n'est pas affiché, mais ça va pas tarder. C'est parce que tu le vois pas, il est affiché. Non, il n'est pas affiché. Si, il est affiché forcément. Pas du tout. Bah si, sur le tableau, il est affiché. Ah oui, sur le tableau, mais on ne finit pas le tableau là. Ah, tu vois? Donc, Washington face donc à Los Angeles. Pour l'instant, il est dans ses fronts. Tu vas le voir quand il aura tiré dans ses fronts. Normalement, à 11 à 10 pour les Lakers. Eh bien, tu vois. Il y a 7-48 dans le premier quart-temps. Donc, pour l'instant, ça démarre tout doucement donc, dans cette rencontre. Le football, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet dont on parlait tout à l'heure. En Italie, où on approche de la fin de saison, 36e journée, c'était... la semaine dernière, le week-end dernier, avec le titre pour la Juve, ça y est, hein, c'est fait. Avec victoire 2-0 face à Gênes pour cette journée. Ça a été dans la douleur, la fin de saison quand même à la Juve. Ouais, compliqué. Hein. Dybala qui s'est blessé apparemment. Qui risque de manquer le 8e face à Lyon. Ouais. Bon, de toute façon, il a déjà manqué le match aller. Oui, donc c'est sur ça. Il était là, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Voilà. La Roma 2-1 face à la Fiorentina, la Lazio a battu Vérone 5-1, la Napoli qui bat Sassuolo 2-0, l'Inter qui a été battre Genoa 3-0, et puis le Milan qui a fait un partout face à Bergame. Voilà le match qui était attendu entre Milan et Bergame. Il y a Bergame qui a perdu sa deuxième place au profit de l'Inter, donc 83 pour la Juve champion, hein, bien sûr. L'Inter deuxième 76. J'aime bien le champion, bien sûr. Bah. Ah, à 83 points, bon, là, c'est évident. Ah oui, il y en a qui ont failli finir à 100. Hein. Ouais, et qui arriveront pas. Ah bah non. Enfin, qui n'ont pas réussi. L'Inter 76 points, la Bergame 75, la Lazio 75 aussi. Voilà les 4. Hein. Après, dans quel ordre on l'a pas, mais ce sera les 4. La Roma 64, Milan AC 60. Et pour l'instant, Napoli 7ème 59, n'est pas qualifié pour l'Europe. Mais l'Atalanta de Bergame en gagnant la Champions League, est-ce qu'ils vont se qualifier? Bah, ils sont déjà qualifiés. Ils finissent 3ème. C'est bon, il y aura peut-être à qualifier de plus. Alors justement, tiens, en Italie, il peut y avoir une problématique qui serait inédite. Puisque en Italie, il y a 4 qualifiés par le biais du championnat. Ça, vous le savez déjà, je pense. Et il pourrait y avoir théoriquement 2 qualifiés par le biais des Coupes d'Europe. Pourquoi? Puisque le Napoli est en Ligue des Champions. Si le Napoli gagne la Ligue des Champions, ce qui est possible, hein. Contre l'Atalanta de Bergame au final. Exactement. C'est pas impossible. C'est possible. Le Napoli 7ème de Serie A. Pour l'instant, non qualifié pour les Coupes d'Europe. Ok. Donc en gagnant la Ligue des Champions, le Napoli serait forcément en Ligue des Champions l'année suivante. Et la Roma, qui est 5ème, gagnerait aussi la Ligue Europa. Et en gagnant la Ligue Europa, vous le savez aussi, on est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui voudrait dire si qualifié. Ouais. Sauf que. Il a trop écouté ce que je lui ai dit en parlant de l'NBA tout à l'heure. C'est ça. Ça lui a donné des idées. Sauf que le règlement des champions ne prévoit pas 6 qualifiés, mais 5 maximum. Ce qui voudra dire que le 4ème, alors là, si on est dans des suppositions, mais ça veut dire que le 4ème de la Serie A n'irait pas en Ligue des Champions. Ce qui serait complètement fou. Mais c'est un scénario qui peut se produire. Alors, il faut beaucoup de 6. Il faut que Napoli gagne. Il faut que la Roma gagne les repas. Alors, ça fait beaucoup de suppositions, mais. Théoriquement, ça pourrait se produire. Donc, le 4ème de Serie A, qui pourrait être peut-être la Lazio, ne pourrait ne pas aller en Ligue des Champions. Il va y avoir de la sueur. Hein. Bon, voilà, on est loin, mais ça pourrait. C'est la première fois que ça peut arriver, en tout cas. Avec toutes ces 6, ça va faire de la sueur. Ça va faire du. De la sueur. De sueur, ouais. Avec des 6 en Coupe du Bois. Hein. Non, mais voilà. C'est inédit, en fait, ce qui se passe. Même si ça se passera peut-être pas. Hein. Et probablement pas, d'ailleurs. Ah bah, c'est même peu probable, oui. Mais c'est possible. Si tu vois le Napoli gagner la Champions League avec tout ce qui reste là. Ça serait fou. Ouais. Voilà, bon, je voulais en parler, mais on referme cette page. Voilà. En bas, la Spal est en série B. Brescia également. Et Lecce également, puisque. Ah non, pas encore. Ils ont 4 points de retard et il reste 2 journées. Donc c'est potentiellement remontable face au Genoa, ce sera l'un des deux. Voilà, et s'ils gagnent la Coupe d'Italie, ils peuvent se retrouver en Champions League l'année prochaine. C'est ça. Et c'est pas ça, Hollande, quand tu gagnes la Coupe de France, c'est pas qualifié, non? Non. Je m'attends à tout, attends. C'est ça, on sait pas. Non, on sait pas, ouais. Et l'Angleterre, voilà, c'est le seul championnat qui vient de se terminer. Liverpool a fini à battant Newcastle 3-1. Et ça a été chaud quand même la fin. Il y avait une journée là, qui était intéressante hein, sur la fin. Ouais. Il y avait un Manchester-Leicester, je crois. Leicester-Manchester. Et puis ouais. Chelsea qui jouait où là? À Wolverhampton. Ouais, c'est ça, ouais. City a battu Norwich 5-0 pour finir. United a battu Leicester 2-0. Chelsea qui bat Wolverhampton 2-0. Et Arsenal qui bat Watford 3-2. Le classement final, donc Liverpool 99 points. C'est ballot, hein. Je t'avais dit qu'il finirait pas à 100, mais t'as jamais voulu me croire. Je te le signe. C'est cette défaite aberrante qui aura jamais dû se produire. Mais je te l'ai dit. Face à Arsenal, 2-1. Je te l'ai dit. En menant en 0, hein, et avec 2 buts cadeaux. Surtout qu'il donne 2 buts, ouais. Alors qu'un but, bah, avec un but de moins, bah, il faisait 100 points. Il faisait le nul et ça suffisait. C'est ballot, hein. Le record de City ne sera pas égalé cette année. En tout cas, bon. 32 victoires, 3 nuls, 3 défaites, c'est pas mal, hein. Ça reste, ah oui, ça reste pas mal. Ça fait rêver, même à l'USO, ça devrait les faire rêver. Même Paris, même tout le monde. City, 81 points. United, 66 points. Et Chelsea, 66 points, sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Leicester, 62 points, 5e. Tottenham, 59 points. Wolverhampton, 59 points. Ça, c'est donc la Ligue Europa. Arsenal, 56 points, ne fera rien l'année prochaine au niveau européen. Et ouais, c'est comme ça. Il y aura des repêchages. Il y aura des repêchages. Avec le coronavirus, ils vont pêcher du monde. Ouais. Et en bas, donc, les relégations, c'était très très serré pour finir. Aston Villa se sauve in extremis avec un nul. Bournemouth, Watford et Norwich se sont donc éliminés. Norwich qui a fini en boulet de canon, en 5 défaites. Ils ont fini en roue libre. Bournemouth, t'es sûr qu'ils jouent pas un barrage contre le vainqueur des playoffs de. Si, pardon. Il me semble. Très bonne remarque. Oui, très bonne remarque. C'est vrai, puisque justement les playoffs de Championship, les montées, c'est Leeds, 93 points, pas mal aussi. Hein. West Bromwich Albion, donc 83 points. Donc Leeds, on en parlait, le coach, c'est Bielsa. Hein, ouais. Jean-François Bielsa, ouais, c'est ça. Qui va retrouver. On a vu le cinéma qu'ils ont fait avec lui, là. La première ligue. Il faut qu'il se calme quand même, hein, il retrouve la première ligue, c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est sympa. Ouais, mais enfin, ils ont fait un truc, là, je vais dire. Je croyais qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, dis-donc. Ah oui, il y a 46 journées, je viens de voir ça. Ah oui, bah la deuxième division anglaise, c'est énorme. Ils sont 24 clubs déjà. Ah ouais, d'accord, ouais. Et puis eux, ils sont allés au bout du championnat, non? Oui. Ouais, bah oui. Alors, je les ai pas là. Pendant qu'en France, tu auras 20 journées. Ah, c'est trop fort. Ouais, bah ah oui, en deuxième div, et même en dessous. Hein. Essaye de trouver le classement de la deuxième div. Championship? Bah, en championship. Ouais. Ouais, tu vas l'avoir. Tu vas voir Nottingham Forest, regarde la différence de but. Plus 9, plus 8. Voilà. Finit 7ème. Et donc le but qui leur coûte les playoffs, c'est un de leurs joueurs contre son camp à 93ème. Ah bah attends, on peut le trouver ce match-là. Terrible. C'était la dernière journée. Ouais, tu vas le trouver. C'était Nottingham Forest, ils recevaient Stoke. C'est ça. Qui était mal classé en plus. Ah, j'ai pas détaillé des buts, c'est dommage. Pas de détails, ouais. Mais d'accord, et donc, qui était mal classé. Ouais, c'est ça, qui était 16ème. Ils avaient un boulevard devant eux pour accrocher des playoffs, c'est incroyable. Ouais, ils ont craqué sur la fin. Complètement. C'est des choses qui arrivent. Bah ouais, donc, désolé. Hein. Mais c'est surtout parce que, en fait, ils en ont parlé un peu parce que c'est Sabri Lamouchi, le coach. Oui. Et... Alors, Nottingham Forest. Qui s'est d'ailleurs excusé auprès des supporters, publiquement. D'accord. Bah, c'est pas de sa faute, mais. Non, mais. Nottingham Forest qui avait fait qui avait gagné une Ligue des Champions? Deux. Oui, deux, même deux. Même deux. Qui, eux, contrairement à Paris, ont gagné la Ligue des Champions. Ah, c'était il y a un moment de ça. Dans les années 70. Il y a un moment, moi j'étais né. Hein. Oui, toi aussi c'est vraiment. Oui, j'étais né, Nottingham Forest. La première, non, je crois pas. Tu sais, l'époque Liverpool, Dynamo de Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Saint-Etienne, toutes ces équipes-là, c'était cette époque-là, les années 70. Hein. Ouais. Eh ben, je peux t'assurer qu'à cette époque-là, Nottingham Forest, ça tournait. Hein. Et moi, c'est une équipe, des fois, j'en parle avec mon fils, et Nottingham Forest, il se fout de moi, il me branche. Mais c'est je lui rigole pas, c'est une équipe qui a tourné. Et quand je dis, et souvent je le répète, hein, le football, ce sont des cycles. En fait, t'as des équipes qui vont tourner pendant 10 ans, cycle, puis après, elles s'éclipsent, et puis les grandes équipes ne meurent jamais, comme on dit, donc elles reviennent, elles se remettent sur le devant de la scène, et elles repartent, elles reviennent, etc. Et je lui ai dit, une équipe comme Marseille, qui avait été championne d'Europe en 93, bon, aujourd'hui est un peu l'encre de la vague, mais il reviendra un jour. Une équipe comme Nantes, l'équipe que je supporte, un jour reviendra en haut, pas avec Kita, je pense pas, mais en tout cas un jour ça reviendra. Des équipes comme ça, ça peut pas mourir. On peut pas mourir. Des équipes comme Auxerre, tiens, on va parler de tes Auxerrois là, mais les équipes comme Auxerre, ils reviendront un jour en Ligue 1, ouais. Mais bien sûr, ça peut pas mourir des clubs comme ça. Et l'USO reviendra en D2. Bah oui. Ouais, peut-être l'année prochaine, mais ils ont... Ah tiens, on va parler 30 secondes de l'USO. Je te fais une petite. Attends, je finis avec l'Angleterre et on change de. Ouais, parce que l'USO et l'Angleterre, ça fait quand même un peu bizarre. Et on revient en France. Quand on parle d'Angleterre et de l'USO, c'est vrai. Et on revient en France. Donc les demi-finales de play-off en Championship, c'est Swansea Brentford. Donc à l'aller, Swansea qui a battu hier soir Brentford 1-0. Donc Swansea qui a un ballotage favorable. Match retour mercredi soir. Donc à Brentford, Cardiff Fulham c'est en direct, c'est 0-0 et puis le retour jeudi. Et les deux qualifiés se rencontreront en finale des playoffs en aller-retour aussi. Et ensuite, ce fameux gagnant va jouer, comme tu le disais, contre Bournemouth. Et du coup, en aller-retour aussi. Donc en fait, compte celui qui va aller là, il aura déjà joué 4 matchs avant d'affronter Bournemouth. Ouais, c'est ça. Et donc il va en jouer 6 au total. C'est énorme. C'est vrai. Ça rajoute un bout de saison. Bon, eux, c'est pas grave, ils jouent déjà 42 matchs dans la saison. Ils sont habitués. 42 ou 46 ? 46. Ouais, 46. Enfin, en NBA, c'est 82 en saison régulière. Ouais. Ouais, mais enfin, en 46, ouais. Et est-ce qu'ils sont combien ? Ils sont 24, donc forcément, c'est beaucoup. C'est Hull City qui était en première ligue il y a pas longtemps, va redescendre encore. Ouais. Allez, ouais. C'est dur. Bah, Wigan aussi, hein. Et Wigan aussi qui était là il n'y a pas très longtemps. Ouais. Les trois qui descendent là, ils ont joué en première. Charlton aussi qui avait joué déjà. Ouais, ouais, ça. Ouais. Bon. Bon, on referme la page Angleterre et foot européen. Donc. Non, tu aurais quand même pu parler. Moi, je pensais que tu allais me parler du titre d'Olivier Giroud là. Alors oui, qu'est-ce qu'il a. Je sais pas, tu regardes l'équipe et tu vas voir. Il est troisième meilleur buteur en Angleterre. Il faut le souligner. Ouais, c'est vrai, il est parce que j'avais préparé quelque chose quand même pour toi là. Je voulais quand même te calmer avec ça parce que je pensais que t'allais m'en parler. Donc non, pas du tout. Non, pas du tout, dit-il d'ailleurs des intéressés. Bah, c'est toi qui m'en parles. Alors. Ah oui. Alors parle-en. Parce que t'en as pas parlé, ça m'ennuie. Ah bah vas-y. J'ai pas préparé ça pour rien parce que m'a fait rigoler avec Olivier Giroud. Le mec, il a été 8 ans entre Arsenal et Chelsea. Il a passé 8 ans en Angleterre. Il a marqué 86 buts. Il est troisième buteur en Angleterre derrière Thierry Henry qui en a mis 175 en 9 ans. Et un an de plus, il a mis 60. Il a mis 80 buts de plus ou 90 buts de plus en un an. Bon, c'est un petit joueur, Thierry Henry, quand même. Puisqu'il paraît qu'Olivier Giroud, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Et le deuxième, c'était Nicolas Anelka, qui avait mis 125 buts en 11 ans. Donc en 3 ans de plus, il en a quand même mis 40 de plus. Ouais. Bah, c'est des petits joueurs, ces gars-là. Enfin, bref, Olivier Giroud, c'est un super joueur. Sauf qu'Alexandre Lacazette, en 3 ans, il en a quand même mis 47 à Arsenal. Hein, avec Arsenal, c'est-à-dire la moitié de l'autre en 8 ans. Hein. Et Karim Benzema, en 11 ans, quand même, avec le Real, il en a quand même mis 248. Ouais. Et on nous parle de pas mettre Karim Benzema en équipe de France. Bon bah voilà, c'était juste pour faire un coucou à mon copain Olivier. Et puis surtout à Didier, celui qui ramasse les royalties. Le petit Didier Deschamps, s'il nous regarde. Enfin s'il nous écoute plutôt. Ouais, je pense pas. On va lui faire parvenir le replay. Le podcast. Ouais, le podcast, on lui fera parvenir. Parce que là, faut vraiment prendre les gens pour des idiots. Et l'autre en 8 ans il met 86 buts, l'autre en 11 ans il en a mis 248. Moi bon, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais bon voilà. C'est pas le même championnat non plus. Non, c'est pas le même championnat. La même équipe. Non. Chelsea, c'est pas le Barça, c'est non, pas le Real. Non, c'est vrai qu'on va pas regarder le Real. D'ailleurs, c'est pour ça que Zizou il est parti. C'est surtout parce que c'est pas le même championnat. Chelsea, c'est pas le Real. Ah bah non, Chelsea, c'est un club, c'est zéro. Loin de là. Autant tu me parles de Liverpool, je veux bien t'entendre parler. Je veux bien que tu me parles d'Arsenal. Je veux bien que tu me parles de City ou de United, mais que tu viennes. D'ailleurs, un mec comme Cantona n'est jamais allé mettre les pieds à Chelsea. Hein. Il sait pourquoi. Hein. Ouais. Ah ouais. Il les mettait ailleurs les pieds lui. Ah oui, bah, lui les pieds, il les mettait dans les oreilles. Mon pied, je le mets où veux, j'ai souvent dans la gueule. Comme dirait Chuck Norris. Enfin voilà, j'avais juste préparé ça quand même pour faire un petit clin d'œil sympa à mon copain, à mon grand copain Olivier Giroud, et puis à tous ceux qui l'encensent, parce qu'il va peut-être falloir un petit peu arrêter à un moment donné de l'incenser. Il a pas mis un but pendant la dernière Coupe du Monde. On parlait tout à l'heure de 2018 et je te disais que c'était la pire Coupe du Monde que j'ai connue. C'est quand même un avant-centre qui a pas mis un but pendant une Coupe du Monde quand même. Il a quand même réussi un exploit extraordinaire, c'est de pas mettre un pion pendant toute la Coupe du Monde. Bravo à lui, moi je le félicite. Et je lui remets la médaille de la Légion d'honneur parce qu'il l'a reçue déjà. Parce qu'on va me dire, ah ben oui, mais lui, il est champion du monde. Ah, ça, on l'enlèvera jamais. Mais enfin, tu peux pas lui enlever ça. Mais tu mettais un minime de Bonny, à moins de 15 ans de la mode Beuvron, il était pareil. Hein. Il était champion du monde aussi. Hein. Oh, dis donc, tu fais un silence d'un coup. Allez, vas-y, embraye. Passe-moi la suite. Le PSG Mbappé. Ah, on va parler de ce qu'il y a de Mbappé. Alors là, ça m'intéresse aussi. Alors avant les Lakers qui mènent 31-26. NBA. C'est ma petite séance amusement, là. Et c'est la pause quasiment en Angleterre, pas de but. Oui, revenons en France pour la Coupe de France. Oui, justement. Est-ce que vous l'avez regardé déjà? Oui, moi j'étais content d'en voir du foot, mais au vu du match, j'étais pas content. Moi déjà, j'ai été très surpris d'un truc. Mettre 5000 spectateurs au Stade de France. Ils étaient tous les uns sur les autres. Mais hein. Justement, c'est ce que j'ai pas compris. Alors qu'il y avait de la place partout. Il y avait de la place partout. Alors peut-être c'était pour pas avoir des. Pour pas nettoyer tout le stade. Non, puis. Tu sais, au niveau des pour les entrées, il faut des bénévoles pour des pas qu'on ait. Bah à ce moment-là, tu joues pas au Stade de France. À ce moment-là, ouais. Tu joues à guichet fermé. Tu peux jouer au CERN ou tu même aller. Tu joues à guichet fermé. Point. À guichet fermé pour les spectateurs. Qu'est-ce qu'ils nous ont enquiquiné? Moi, je vais vous dire simplement parce que je m'excuse de vous couper. Mais je veux pas m'agacer parce que ça sert à rien. Mais tu sais, depuis le temps que je te dis mes places, on sait toujours pas. Oui, alors oui. Vas-y. Ah oh, bah dis donc, on sait enfin. Ah, bah ça y est, une semaine avant. Depuis hier, on sait où on en est. Enfin à peu près. Hein. Parce qu'on sait toujours pas vraiment, mais on sait. Pas depuis hier. Depuis 3-4 jours, on sait déjà comment ça va se passer. Et depuis hier, on sait quand même qu'ils vont nous rembourser, qu'ils vont finir par nous rembourser quand même, finalement. Ouais. Mais seulement pas avant le mois d'octobre. Ah oui. Ah oui, on est quand alors, même. Il y aura pas de spectateurs. On est quand même au mois d'août. Il y aura personne. Il y aura 5000 spectateurs. Mais lesquels? Alors, ils ont fait exactement comme pour la Coupe de France. Tirage au sort. En fait, non, ils ont donné 900 places aux supporters de Lyon, au COP. Ils ont donné 900 places au COP parisien. Oui. Et le restant, c'est pour les invités, pour la fédé, etc., ah ouais. etc. Et puis quelques places, si tu peux en avoir, mais à mon avis. Il y a 4000 invités quand même, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça, la fédé. Regarde quand t'étais venu Orléans PSG, là. T'as vu le tas d'invités qu'il y a eu? Ouais, il y a plus grand monde qui a payé sa place. Plus d'invités que de. Il y a eu 200 personnes qui ont payé leur place, ou les autres, ils ont eu des places gratuites. Hein. Donc à un moment donné, on arrête les âneries. Il faut peut-être arrêter, t'as qu'à faire ça, guichet fermé, point barre, on n'en parle plus. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est n'importe quoi. Là, au jour d'aujourd'hui, on te pond que le match va jouer avec 900 Lyonnais, les Badgones, lors du match, non, il y avait un tournoi à Lyon, là. Les Badgones ont donné leur place, en fait, leurs invitations, ils les ont filées au personnel soignant des hôpitaux de Lyon, pour que les gars puissent aller voir un match de foot, ce qui est très sympa. Ils ont dit, nous, ça nous intéresse pas, parce que de toute façon, on peut pas y aller. Ils ont pas pu aller voir la finale, donc ils ne se sont pas déplacés à Paris pour les supporters de Saint-Etienne ne se sont pas déplacés à Paris, les COP, pour voir la finale Paris-Saint-Etienne. Ouais. Donc on joue déjà à Paris, ça c'est un truc qui me déborde. On joue déjà à Paris, Paris qui joue deux finales de Coupe de France, à la vitrine, ouais. Deux fois à Paris, ouais. Deux fois avec un public parisien, pro Paris. C'est ça. Ouais. Moi je trouve ça, c'est un peu comme la finale de la Coupe de France de handball. Faut m'expliquer pourquoi tu fais pas ça à Bordeaux ou à Lille. Ou à Montpellier, ou je sais pas, n'importe où, à Marseille. Ouais, l'équipe de France joue bien des fois en région, alors pourquoi pas. Mais bien sûr. Délocaliser les coupes. Et ça, je trouve ça lamentable, parce que derrière, tu vois, le COP de Lyon va pas se déplacer non plus. Ils ont décrété de ne pas prendre leur place, donc ils ont remis leur place à la vente. En gros, nos places qu'on avait déjà achetées, il y avait pas plus de 25 000 places de vendues. Hein, ouais, bien sûr. Vendues, mais les places, en fait, ils les remboursent à tout le monde. Ils remboursaient les places, et ils remettent en vente des places derrière. Si tu voulais une place, soit qu'on avait déjà une, bah, il fallait qu'à nouveau tu te rebattes pour en avoir une. Ah ouais, tu t'étais déjà battu une première fois, mais non, il fallait encore te rebattre une deuxième pour l'avoir. Donc on a essayé, nous, on a essayé de passer par les abonnés de Lyon pour essayer d'en avoir. On n'a toujours pas de réponse, donc à mon avis, on n'en aura pas. Donc on sera comme les autres sur notre canapé devant la télé vendredi. Oui. C'est pareil, quand tu vois qu'on met ça un vendredi parce qu'il y a passe-partout le samedi, tu m'excuses, mais il faut arrêter les âneries. Hein. Hein, l'autre, c'est une émission enregistrée, ils peuvent la mettre le vendredi ou le samedi. Ça change rien. Hein. Vous avez regardé d'ailleurs Fabouillard dans le samedi? Non, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai regardé parce que mes enfants regardent. Ah, et alors, ils ont gagné ou? C'était qui d'ailleurs? C'était qui les invités? Mais je crois que c'est un des trois plus gros gains de l'histoire du jeu, apparemment. Ouais, ils ont gagné 24 000 euros. C'est pour ça qu'ils voulaient pas le déprogrammer. Ah oui. J'ai compris. Ok, d'accord. Ah, ça lui fait de l'audience. On va bien alors. Ça lui fait de l'audience. Ah oui, quand même, 24 000 euros. Est-ce qu'ils renversent une partie au personnel soignant? C'était peut-être ça l'assaut, non? C'était l'assaut, c'était. Non, l'assaut, c'était des artistes, des magiciens qui viennent faire des trucs pour les enfants dans les hôpitaux. Ah bah, c'est bien aussi alors. Les clowns hôpitaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Que j'ai vu d'ailleurs à Orléans il n'y a pas longtemps. Oui, les clowns hôpitaux, et j'ai une amie qui bosse chez les Nez Rouges, elle a commencé à Orléans, le Rire Médecin. Je vais les citer, le Rire Médecin, Marie-France, si tu m'entends, coucou. Voilà. Eh ben, ils sont venus, je vais pas raconter ma vie, mais ils sont venus dans la chambre de mon fils qui a eu un petit souci, et on a passé un bon moment avec eux. C'est vrai, bien rigolé. T'as rigolé avec les clowns? Ouais, exactement. Il a un gros nez rouge. Il n'y a pas que le nez. Hein. Non, mais c'est très simple. Franchement, c'est les chaussures simple. Aussi. Tu fais de la radio quand même, allons, voyons. Chaussures. Non, mais. Des grosses chaussures. Oui, c'est ça, oui, des grosses chaussures. Alors, revenons sur le match quand même. Paris-Saint-Etienne. Pas terrible, hein, faut se l'avouer. Bah, déjà, sur un rythme très très lent, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé les Stéphanois très bons. Ouais, ils auraient mérité d'aller. T'as mérité d'aller chercher un but, hein. D'aller ils ont chercher pris le match par le bon, ils ont pris le match par le bon bout, ils ont joué ce qui, comme il fallait contre Paris. On tapait le poteau aux hommages, hein. Il aura pu ouvrir le score. Les poteaux carrés à Saint-Etienne, on connaît, hein. C'est bon. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que ça jouait très lentement. Ça m'a vraiment marqué. Et j'ai trouvé la défense centrale du PSG sur quelques actions stéphanoises. À la rue. Un peu à la rue. Complètement à la rue. Alors, ramasse complet. Ouais. Alors, ça promet pour le. Il y a de quoi s'inquiéter. Ah ouais, ouais. Non, ils ont réussi plusieurs fois à s'infiltrer, ça, les Stéphanois. Ils auraient pu marquer. Ils auraient pu marquer. Hein. Pareil, sur le côté gauche de Saint-Etienne, ça passait très facilement aussi. Ouais. Voilà. Donc. Un match tendu quand même. Beaucoup de fautes, hein. Ouais. Beaucoup de fautes. Un carton d'entrée au bout de 2 minutes. Pas très bien arbitré, à mon avis. moi, je vais rien dire, mais bon, voilà. Voilà, j'ai les vidéos, j'ai des images arrêtées. Ouais, va falloir m'expliquer le carton rouge. Ah si, que tu mettes un arrêté, carton. Il est mérité, il sera mérité le carton rouge. Le ballon s'en va où? Vous n'avez pas le droit de. Le ballon mais touche jamais le ballon. À aucun moment il touche le ballon. Il s'en va où? Il s'en va où le ballon au moment où il prend le ballon? Mais c'est pas ça. C'est qu'il touche jamais le ballon à aucun moment. Oui, mais à un moment, j'ai la vidéo. À un moment, il touche le ballon, il passera de la jambe et c'est son genou arrière qui va prendre le mollet. Regarde bien la vidéo. Mais il maîtrise jamais son tacle. Remets-le. Il maîtrise pas son tacle jamais. C'est son genou droit. On m'a même dit qu'il avait fait un ciseau alors qu'il n'a pas fait un ciseau. Sa jambe est pliée comme ça. Enfin, je vais pas te le faire là, tu me vois pas. Mais la jambe est pliée et c'est son genou en revenant qui tape dans le mollet de. Non, mais c'est pas maîtrisé comme tacle. Qui tape c'est normal, le rouge. Là, il n'y a pas de discussion. Qui tape dans le mollet de Kylian Mbappé et qui va faire que son pied se bloque en dessous de la jambe de l'autre. Mais c'est surtout que t'as Marquinhos qui fait 2 grosses fautes et qui finit le match. Et d'accord. T'as Neymar qui à un moment s'essuie les crampons sur je sais plus qui. Mais à chaque fois quand c'est les joueurs de Paris, il faut toujours pleurer, il faut jamais pleurer quand c'est les autres, c'est ça le problème. Voilà. Merci. Non, mais qu'il y ait peut-être des oublis de carton, je veux bien, mais le carton rouge, vous pouvez pas dire qu'il y avait de la paillette. Rémi, non, pour moi je mets jaune. Moi je mettais jaune. Il ne maîtrise jamais son tacle. Là, c'est dangereux. Et d'ailleurs, c'est dangereux, il s'est blessé, Mbappé. C'est super dangereux. Ça, t'en sais rien du tout. Si, il est blessé. Ça, t'en sais rien. Pas en boitant. Des comédiens, moi j'en connais pas. Non. Sur l'image, on le voit. Honnêtement, je rigole pas quand je dis ça, je suis très sérieux. Je vais te dire un truc, c'est que je te dirais qu'il s'était blessé si réellement il n'est pas là contre l'Atalanta. Là, je te dirais oui, il s'était blessé. Parce que tu vas voir qu'il est capable de revenir contre l'Atalanta et courir comme un lapin de Garenne, comme il fait habituellement. Il ne prendrait pas le risque de manquer le match contre Lyon. On en reparlera. Moi, je te dis, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Par contre, là où je suis d'accord, où il faudrait mettre un rouge, mais d'ailleurs, il fallait pas en mettre un, il fallait en mettre deux, c'est quand t'as Marquinhos qui arrive comme une balle sur Perrin, et que t'as le gardien qui arrive dans le sens, ouais. Et qui te l'a tamponné comme jamais. Ah, mais ça, je dis pas le contraire, il manque peut-être des cartons. Là, c'est rouge, les deux. Mais Perrin, son rouge, il est ultra mérité. Ah, bah, je suis pas de ton avis. Non, moi non plus. Moi, je suis pas de ton avis. Il y a juste un truc, là, je suis en train de voir la fiche du match, et en fait, on parle pas du tout de 5000 spectateurs, hein. 2805 spectateurs officiels. Bah, parce que les supporters lyonnais sont pas déplacés. Il y en a qui sont pas venus. Les Stéphanois sont pas déplacés. Ah, il manquait 2000 quand même. Mais quand, t'as vu, à un moment donné, quand Neymar fait signe aux spectateurs de gueuler, t'entends les mecs, Paris, Paris. Bah, c'était les 2800. C'est les 2800, peut-être des Parisiens. Bah oui, non, mais c'est ça. Donc, il est où l'avantage pour Saint-Etienne? Bah, il y en a aucun. Ah, bah, aucun. C'est pour ça que je trouve ça lamentable. Ça, une finale. Alors bon, vous le savez, j'aime pas Paris. Vous l'avez remarqué, j'imagine bien. Hein, ceux qui sont derrière leur poste, ils doivent se dire, bah, il adore Paris, lui. Non, je les aime pas, mais j'ai des raisons. Mais voilà. En tout cas, quand je vois ça, je trouve ça lamentable. Va jouer à Bordeaux, va jouer à Rennes. Mais surtout, quand on connaît le. Imagine combien ça a dû coûter de louer le stade de France. Mais oui, c'est une connerie. En plus, il devait jouer à un moment donné à Châteauroux. Oui. Mais on avait parlé. Oui. Ah, ça s'est pas fait, Châteauroux. Ah non, les 2800, tu peux les mettre à Châteauroux sans problème. Bah alors, même l'USO, ça arrive même là. À la source. Bien sûr. Bon, résumé quand même 6, 8, 10 cartons jaunes, un rouge, ouais, c'était haché, ça ressemblait à rien. Moi, je suis pas d'accord avec l'arbitrage sur beaucoup de choses. Je pense que l'arbitrage n'a pas été au niveau sur cette finale. Bah, comme les deux équipes d'ailleurs. Non, mais on est d'accord. Ouais. Bon, si Saint-Etienne, je trouve qu'ils ont pas été mal quand même. Alors, Saint-Etienne, ils ont fait un bon match. La prestation de Jesse Moulin, énorme. Il a été énorme, Moulin. Il en sort une belle, là. Sur la frappe de Di Maria, sur la reprise, il te la sort. Cette frappe-là, elle est belle. Tout était beau. Ah, c'est un super gardien, c'est Moulin. Même, comment il s'appelle, le gardien là, qui a été viré, là, enfin, qu'ils ont dégagé gentiment. Ruffier. Ruffier, elle l'a encensé. T'es un bon gardien. Mais Moulin, ouais. Il a dit maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi on m'a viré. Jesse Moulin, énorme. Et c'est pour ça aussi. Il était, ouais, en interview, il était le pauvre parce qu'il a fait un match énorme. Bon, après. Et même sur le but, ils ont pas de bol, parce que ça tape la barre. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'autre, il foire, il frappe le gardien, la repousse, il la repousse où? Il y a trois verts et il y a juste Neymar. Ah bah oui. Et ça reste sur Neymar. Et en plus, Moulin, il fait encore une parade. Enfin, il essaie. Ouais. Et bon, Neymar, il met bien au-dessus pour. À sa décharge aussi, ça c'est. Alors, j'aime pas non plus Neymar, hein, mais à sa décharge, c'est la marque des grands champions, c'est d'être toujours là c'est où qu'il il faut. Il est bien placé, vous, il sait c'est que ça va. Là où il faut quand il faut. C'est... Et Cavani, beaucoup de gens l'ont démonté. Moi, je disais Cavani, c'est un super joueur, un super buteur. Ah oui. Parce qu'il était toujours présent là où il fallait quand il fallait. Ils savent se placer, ces mecs-là. C'est ça, les champions. C'est ça. Très bien, donc Paris qui gagne sa 13e Coupe de France avec seul but. Avec de pleureuses, ouais. On sait. Vendredi donc, la deuxième Coupe. La Coupe de France, de la Ligue, pardon. Ah, ouais. Tiens, je vois que Ruffier va être réintégré, tiens, important. Ah oui, Ruffier qui va être. Bah, c'est, ouais. Il a fait quoi? Il va être réintégré. Ah bah oui, bah c'est peut-être parce qu'il a dit que l'autre était bon. Allez, j'en reviens pas. Il, il a été mis à pied depuis le 15 juillet. C'est peut-être aussi parce qu'il est encore sous contrat et qu'il a très bien pu dire, bah moi je reste à rien faire. Et de la même façon, je vais vous payer à rien faire. De la même façon qui était revenu à l'entraînement Cyril Carrière avec Orléans il y a quelques semaines, puisqu'il était toujours sous contrat et qu'il n'a pas été viré officiellement. Donc lui il est revenu à l'entraînement quand l'entraînement reprenait pour l'USO, gentiment, il a dit moi je reviens à l'entraînement, il est venu avec un avocat, avec son avocat, avec un huissier certainement pour faire contrôler, et puis voilà, et derrière, s'ils veulent le virer c'est bien, mais faites les papiers en bonne état. Ouais. Avant de finir, deux infos Ligue des Champions. Manchester City qui devrait pouvoir accueillir le Real Madrid, c'était une question qui était en suspens sur les huitièmes retours, puisqu'on sait que voilà, il y a un City Real qui est en huitième retour. Hein. Oui, mais où? Donc, City. Au Portugal. Non, City qui pourrait accueillir. Alors, toutes les huitièmes pouvaient se jouer en Portugal, a priori. Il était question que tout joue au Portugal. Alors, la Juve devrait recevoir Lyon et City devrait recevoir le Real. Voilà. Donc, c'est pas encore officiel, signé, mais ça pourrait avoir lieu potentiellement. Alors, il arrive à avoir des infos comme ça, mais il n'arrive pas à voir que Giroud est troisième buteur en Angleterre. C'est quand même fou, ça. Si, je l'ai vu, mais on n'a pas parlé. C'est... Le 7 août, hein, City Real. C'est pas mal comme huitième, quand même. Ça a de la gueule. On verra donc si c'est le cas ou pas. En tout cas, il pourrait être à. Ouais, en tout cas, moi j'ai juste une chose à dire pour revenir sur Paris et pour dire que Paris, je les aime. Je comprendrais pas s'ils n'étaient pas en finale cette année. Si vraiment s'ils sont pas en finale cette année, ils sont jamais en finale. Ils peuvent fermer la boutique. Bah, quand tu vois le match contre Saint-Etienne, je suis pas sûr qu'ils y soient. Hein. Ah bah, loin de là. Hein. Oui, mais justement. J'attends de voir. Justement, d'où mon inquiétude pour l'histoire de Mbappé. Je me dis que c'est, tu sais, c'est facile de dire mais forcément ils ont gagné, on a perdu, bah oui, on se trouve des excuses. Hein. Ouais, mais on n'avait pas Mbappé. Ça commence déjà. Hein. Si on n'a pas Mbappé, on va pas gagner. Et les mecs, arrêtez. Vous êtes 11, ils sont 11 hein, en face. Hein. Et puis entre nous, c'est l'Atalanta qui termine combien? Troisième de son championnat. Pour l'instant, c'est pas fini. Et c'est quoi le championnat? Le championnat de quoi? D'Italie? Il y a combien d'équipes en championnat d'Italie là? Bah 20. Non, mais il y a combien d'équipes? Je te parle pas. Il y a combien représentés? Il y en a combien des équipes? Il y en a une, il y en a deux. Mais il y a la Juve, il y a Milan, c'est tout. Et en France, il y en a combien? Bah en France, on a 3 à 4. Ah ouais, il y en a deux. Bah, t'as Paris, t'as Marseille, t'as Lyon, au moins, minimum, t'as Monaco. C'est... Ouais, c'est tout. Ouais, bah, ça fait 4 déjà. Bah, l'Italie aussi. Hein. Ça fait le double. Mais c'est qui en Italie? Bologne. Non, Naples, la Juve, l'Inter. Ils sont où au classement Naples? Cette année, ils n'ont pas fait une belle saison. Lyon, ils sont où cette année? Ils sont 7e. Voilà, pareil. Ils sont 7e, mais ils sont qualifiés vendredi soir, ils seront qualifiés en Europe. Bah, Naples aussi, encore qualifié. Naples aussi, si. Et puis la saison n'est pas finie en Italie. Ça c'est ballot. Et puis s'ils gagnent les champions, ils seront 6 et ils ne pourront pas être 6. Deuxième info, Ligue des Champions, importante. Vous savez que la nouvelle chaîne Téléfoot qui est créée par Mediapro. Alors eux, ils m'intéressent même pas parce que je vais dire au prix qu'ils vendent leur truc. Ça va diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Et Mediapro s'est associé avec SFR pour la distribution de cette chaîne Téléfoot. Ils auraient pu s'adresser au prix. Et aussi pour la diffusion de la Ligue des Champions. Donc l'accord est tombé ce midi. Donc les deux accords. Un pour la distribution de la nouvelle chaîne, donc SFR va pouvoir diffuser Téléfoot, la nouvelle chaîne, moyennant 25,90€, énorme, avec un engagement d'un an ou 30€ sans engagement, c'est énorme, ça c'est incompréhensible. Et RMC Sport, le deuxième accord permet la codiffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, donc pour la dernière année de diffusion. La Ligue des Champions et la Ligue Europa pour SFR, pour RMC Sport, tout à fait. Eh bien, Téléfoot pourra aussi diffuser la Ligue des Champions, la Ligue Europa pour la dernière année. En tout cas, ça fait 30 balles pour. Non, moi, ça fait zéro. Pour rien. Pas grand chose. Bah, pour rien non plus, parce que je regarde rien. Ou alors là, maintenant, je vais regarder l'écart, mais ça fera zéro quand même. Et Canal et Bein, donc on rappelle, ce sera à partir de l'année suivante. L'accord entre Canal et Bein, ce sera pour 2021-2024. Donc 30 euros pour téléfoot. C'est un scandale, ça. Attends, mais 30 euros, c'est. Enfin, non, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Aujourd'hui, tu veux le championnat de saucisse, tu dois payer ça. Bah, tu veux le championnat si de si tu veux ça, ici, c'est 30 euros. Attends, 30 plus 20 plus 15 plus 30 plus 20. Ouais, t'as. Plus 15. Non, mais attends. RMC Sport, c'est 15. Bein Sport, c'est 15. Eurosport, c'est je sais pas combien c'est. Tu mets 200 balles dans ton. Canal Plus, c'est. Alors, du côté des autres opérateurs comme Orange, Bouygues et Free, pour pas les citer, les négociations sont plus ou moins avancées. Et Bouygues, qui serait le plus proche pour pouvoir diffuser Téléfoot, hein, on parle bien de la chaîne. Avec Canal+, les diffusions, les discussions sont à l'arrêt, donc pour l'instant, rien n'est joué. Ça démarre le 20 août. D'ici voilà. Qu'on ait des écrans géants dans le milieu de la rue de la République. Ouais. Hein, le 20 août, donc, pour le début de Téléfoot, la chaîne donc de Mediapro, pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Ça vaut le coup ou pas? Non, pas vraiment. Ligue 1, Ligue 2. Ah non, mais moi je regarde même plus ça depuis des années. Ligue 1, il y a quoi en Ligue 1? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a quoi en Ligue 1? Bah. Il y a rien, on est d'accord. Il y a rien, il y a 4 matchs sympas. On fait partie, il paraît, des 5 meilleurs championnats. Ouais, bah on est 5ème, 5ème. Et même la Hongrie ou la Bulgarie sont devant nous. 5ème bis. Attends, hein. Ça va. Tiens, un dernier truc, vous avez vu quelques matchs amicaux cette semaine, non? Oui. Marseille qui a perdu? Ah, moi je parlais pas de cela. Ah, de quoi? À Orléans qui avait perdu. Ah aussi, bah vas-y, alors Orléans qui a perdu contre... Je sais même plus, vas-y, va chercher le résultat, je sais plus. Je sais que Saint-Privé a gagné par contre, à 2-0 contre, ouais. Contre Le Mans. Et Orléans qui a perdu 2-0 plutôt. Ouais, 2-0. Contre... J'ai oublié. Allez tiens, je te finis une petite info. Personne n'est au courant, alors je le dis comme ça doucement, je ne vais pas le dire trop fort. Il semblerait en tout cas que notre ami Carny, qui est un égé Antoine, ait connu une petite blessure physique. Oui, on dit comme ça. Bah ouais. Un petit problème. Un petit pépin physique. Donc, il sent que quand même le niveau national, c'est quand même un petit peu au-dessus. Que ça joue quand même un petit peu au-dessus et que ça joue, les pros, ça joue quand même plus vite et ça s'entraîne plus fort. Donc, apparemment, il a avait un peu de mal. Ah. Mais il sera là, je pense, bien présent en national cette année. Je pense qu'il va falloir le suivre. National sur, Mais tout le monde ne sait pas ça, hein. C'est entre nous, hein. Ouais, ouais. Et national. Parce que l'USO communique tellement bien en ce moment que. Tu sauras rien avec eux. National diffusion sur le site de la Fédé, il me semble. Toujours. Oui, alors, soi-disant que National 2, National 3, là, on a vu un article passer. Alors, moi, je l'ai compris comme tel. Il y en a qui m'ont dit non, ça va être pour tout le monde. Mais moi, quand je lis l'article qui dit on va donner les images au club. Non, je pense que tout le monde pourra les voir. Sur quel site, la Fédé? À partir du moment où les clubs vont les diffuser. Mais regarde bien le truc, hein. Quand ils te disent, ils vont les mettre à disposition des clubs. Après, ils en font ce qu'ils veulent, les clubs. Donc, oui, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs réclamaient des images aux clubs adverses pour pouvoir observer avant de se déplacer sur des matchs. Et tous les entraîneurs, José Baptiste m'en a déjà parlé, ça, ils faisaient ça avec les clubs en National 2. Mais de toute façon, à partir d'un certain niveau, c'est obligatoire. Ouais. Je sais que, par exemple, pour le hand, si tu veux jouer en National 1 ou 2, tous les matchs doivent être filmés. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils se les donnaient entre clubs, ils se les envoyaient entre clubs. Quand ça part d'un bon esprit, si tu me le donnes, je te le donne. Tiens, je te donne le mien pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, mais si y a tant là qui commencent à jouer les saloperies, ça peut pas marcher comme ça. Ouais, mais de toute façon, ça doit servir. De toute façon, c'est obligatoire, ne serait-ce que pour les commissions de discipline aussi. Mais c'est des captations d'images, hein, qui vont faire attention, hein. C'est pas des mecs qui vont être derrière la caméra en train de tourner, en train de regarder. C'est des images fixes, c'est des plans fixes qu'il va y avoir avec des caméras. Il y aura plusieurs caméras sur le stade et qui regarderont le match. Et donc, sur le site de la Fédé aussi? Ce sera sur le site de la Fédé pour les plus gros matchs. Ouais. Et puis ensuite, ce sera donc donné aux clubs. Donc les clubs font ce qu'ils veulent. Ouais. Les clubs en font ce qu'ils voudront. Okay. Et je pense sur leur site internet, sur leur compte Facebook ou des trucs comme ça. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, on les verra les matchs. Donc okay. Si tu veux suivre Saint-Privé en National 2, Châteauneuf en National 3 ou Montargis en National 3, tu pourras. Et en district, non? Pas encore, on n'y est bon, pas merci. Encore. Mais ça viendra un jour, bon. Rassure-toi, ça viendra un jour. Quelques résultats de Ligue... Juste pour compléter les infos sur l'USO, a signalé le 8 août un Auxerre-Orléans amical à Migennes, à côté d'Auxerre. Ok. C'est supporter Auxerrois qui a parlé. Et ben, on victoire d'Auxerre 3-0, ça on discute pas. Donc quelques résultats du week-end. On a eu la défaite de Marseille contre un club que je ne connaissais pas. Peut-être que vous le connaissez, bien mais. Bien sûr qu'on le connaît, va. Le club de Dunajská Streda, un club slovaque. Oui. Défaite 2-1. Et but sur penalty en plus pour Marseille. Bordeaux, Angers 1 partout, Lille a perdu à Bruges, Nice a gagné à Liège, Brest a gagné Saint-Brieuk, voilà, notamment Nantes a été faire 0-0 en direct. Bon résultat. 0-0, d'autant qu'on a quand même 3 mecs qui sont touchés par le coronavirus à Nantes. Donc ça s'est décidé au dernier moment, on a appris ça. Là. Ils ont mis 3 mecs en quinzaine parce que ouais. Voilà. Donc on a joué avec 3 gars de moins, 3 joueurs de moins. Bon, après voilà. Lyon était gagné à l'extérieur, voilà. C'est pas mal, hein, Nantes, ça commence pas mal, mais non, après, on verra la saison. Moi, je te dis, notre objectif, enfin, le mien en tout cas, c'est d'être 7-8ème, tu vois. Voilà, ouais. Un maintien tranquille, et voilà. Sans se forcer. J'attends pas mieux de mon club, moi. Cette semaine, on a Bayern de Marseille, tiens. C'est vendredi soir. Ça peut être intéressant. Et à leur décharge, les Marseillais, souvent je les critique aussi comme Paris, mais les Marseillais, mine de rien, ils ont quand même bien. Ils sont sur un recrutement qui est pas trop stupide quand même là cette année. Hein. Ils sont pas mal dans leur recrutement. Hein. Ouais. On parle de, je sais pas si t'as vu aussi, on parle de Balotelli qui serait capable de revenir, qui voudrait revenir, qui aurait fait une proposition en baissant son salaire, surtout pour revenir. C'est pas mal comme. Par contre, il voudrait un engagement de 5 ans. Non, bah, je blague pas, hein, c'est pas des blagues. Il a quel âge, Balotelli? Je cherche sur l'équipe, je l'ai vu sur l'équipe, je crois. Quel âge il a? J'en sais rien. Il est pas tout jeune. Non, mais le mec, il a 30 ans, moi. Et 5 ans, le mec a déjà du mal à finir une saison. Oui, mais c'est justement, c'est pour prendre la main qu'il fait ça, t'inquiète pas. Il est pas. Il a 29 ans, ça l'emmène jusqu'au bout, quoi. Ouais, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je l'ai vu. Hein. Donc, oui, ce soir est aujourd'hui que j'ai vu ça. Bon. Moi, j'ai pas vu. Bon. Bon, Bayern-Marseille, c'est vendredi soir. C'est pas mal, ça. Ça peut être sympa à regarder. Ouais. Samedi, il n'y a pas grand chose. Je regarde les matchs. Et vendredi soir, il y a une finale de Coupe de la Ligue. Bah, c'est à 16h, Bayern-Marseille. Hein. Ça va, tu peux enchaîner les deux. Et au fait, ouais, il y a un enjeu au fait, sur la finale de la Coupe de la Ligue. C'est que si le PSG l'emporte, Reims est européen, du coup. Ouais, et Nice, d'ailleurs, est européen grâce à Paris. Ouais. Et si Lyon l'emporte, Lyon sera européen. C'est ça. Parce que si Lyon joue comme. Si Paris joue contre Lyon comme ils ont joué contre Saint-Etienne, à mon avis, ils vont pas faire un pli. Hein. Mais par contre, pour la Coupe d'Europe, vaut mieux que ce soit Lyon que Reims quand même en Coupe d'Europe. Hein. Ah bah, alors moi, je te dis franchement, ça me ferait très plaisir de revoir Reims en Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi, mais pour le coefficient. Pour le point UEFA, ouais. Mais bon. Parce que Lyon, ils sont encore là, mine de rien, on les démonte, mais Lyon, ils sont encore là. Ils mettent les points, ouais. Ils sont encore là en Champions League. Ah, mais quand t'aimes l'histoire du foot, revoir Reims. Oui, non, mais, c'est sûr. Mais ça, on est d'accord, il n'y a pas photo. Et donc, ouais, oui, bien sûr. Nice et Patrick Guia, ils seront en Ligue Europa, puisque Paris a gagné la Coupe de France. Voilà, donc, et samedi, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Il n'y a pas grand chose. Il y a un Lens Racing Gag, si vous voulez. Samedi, tu peux aller à Nouhans-le-Fuselier voir Orléans qui joue contre Châteauroux, à l'amical. Nouhans-le-Fuselier. Il y a les matchs amicaux pour les gens du coin, quand même. Et tu peux aller aussi voir Saint-Privé, tu peux aller à Neuville-au-Bois voir Saint-Privé. C'est pas bon, ça. Je crois que c'est à 16h où il y a les U19 de Saint-Privé qui vont jouer contre les U19 de, je sais plus, une équipe parisienne, je crois. Je crois que c'est une équipe de Paris, une bonne équipe de Paris. Et puis après, ils enchaînent avec... Et puis ensuite, ils enchaînent avec le match de Saint-Privé qui joue contre Fleury-Mérogis, je crois. C'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Vous avez dit Kevin la semaine dernière. Je crois que ça, ouais. Et donc, on y fait un clin d'œil d'ailleurs à Kevin. Si nous écoute, Kevin, ouais. Il est avec nous la semaine dernière par téléphone. On va s'arrêter là, les gars, parce que 22h, on a pas tenu nos engagements, mais en même temps. T'as pas tenu tes engagements. Bah, on peut avoir le score du basket. C'est vous. Là oui, on peut faire un tour par le basket. 56-51 pour les Lakers. Il reste 6 minutes. Ouais, ça va être serré. Dans la seconde. Dans le second quart-temps. Honnêtement, si les Lakers augmentent pas le niveau de jeu, ça va être compliqué pour eux. Hein. Et Fulham a ouvert la marque du côté de Cardiff dans la demi-finale allée des Playoffs de Championship. Voilà pour le direct. La semaine prochaine. Enfin, non, cette semaine en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Eh bien, quand même rajouter une info que t'as oublié quand même, parce que dans tout ça, t'en as quand même oublié. Ah bah, je peux pas. Sinon, on est là jusqu'à 8h du matin. Mais si on dit tout. Hein. C'est une importante, mais bon, comme tu veux pas parler de Formule 1, je te signale quand même qu'ils ont rajouté 3 grands prix au championnat. Mais si, on l'a dit. Si t'as bien écouté. Non, tu l'as pas dit. Si t'as bien écouté, je l'ai dit. Mais... Tu l'as pas dit fort. Donc t'as pas écouté. Tu l'as pas dit fort parce que je l'ai pas entendu. Bah, tu écouteras le podcast. Alors, t'éviteras de mettre de la musique en même temps que tu dis des bêtises que pareil. Enfin voilà, donc il y a 3 grands prix qui sont rajoutés. Donc tu n'écoutes pas toi en fait. Non, parce que quand tu parles moto puis que tu reviens à la voiture, moi ça fait 2 choses différentes. Hein. Ah, ça reste la mécanique. Bah oui, mais il y en a un qui a 2 roues, il y en a un autre parfois 2. Ouais, quand ça se passe mal. Cette semaine, donc vendredi, Paris-Lyon, finale de Coupe de France, 21h, donc sur France 2. Ensuite, on aura la fin du championnat italien cette semaine, les 2 dernières journées pour les Européens, qui peut avoir 6 Européens, d'ailleurs, vous le savez, ça, ou pas, en Italie. Ah ouais. 6 en Ligue des Champions. Ça alors. Ah, c'est fou, hein. C'est dingue. Hein. Il y a une chose que tu n'as pas dite non plus, et ça, je suis sûr que tu ne l'as pas dite, c'est que l'USO sort enfin sa pelouse. Et que, hybride, ouais. Et que, hybride. Hybride quoi? Qu'est-ce qu'ils ont bridé, mais ils ont bridé en tout cas. Ouais. En tout cas, la pelouse est magnifique. Je suis allé la voir moi-même, j'ai fait une petite vidéo, elle est magnifique. Et pour être très honnête, je pense qu'il y en a un paquet qui va être content. On va avoir la plus belle pelouse du National, autant qu'on avait la plus moche pelouse de Ligue 2. Après Ajaccio quand même. Ouais, de, ah Ligue, bah, de Ligue 2, parce qu'Ajaccio c'était quand même. C'est dommage. De... Ah, c'était quand même un exemple dans le modèle, dans le, un modèle du genre. Modèle du genre. Ça c'est pour le foot, rien d'autre spécial cette semaine. Ah bah, hormis les amicaux dont on a parlé. Tennis, bah, on se prépare peut-être à la reprise. Voilà. Voilà. Rugby, rien de spécial. Basket, bah, NBA bien sûr. Dès ce soir pour la préparation et mercredi pour alors mercredi de mercredi à jeudi hein. Ça vous avez des pour les matchs de basket NBA c'est de la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi matin. Voilà. Le... Ça c'est le 31. Ouais. Donc le premier match il est à minuit 30. On l'avait dit avec Utah Jazz contre les Pelicans. Voilà. Et le deuxième, c'est bien sûr le choc. Ta-ta-ta-ta. Les Lakers contre les Clippers. Voilà. À 3h. LA contre LA. Voilà. Et ça, c'est donc Derby. Jeudi, dans la nuit de jeudi, enfin, jeudi matin, minuit 30. Et puis jeudi soir, il y a deux matchs aussi. Trois même. Et ouais. Et après, ça va s'enchaîner. Ah bah, ça va s'enchaîner, de toute façon. Il y jusqu'à, jusqu'au hein. 15 août. Ouais, c'est ça. 15 août, le 15 août, c'est les derniers matchs. Dès la phase, ouais, régulière, plus ou moins, quoi. On va dire. Non, non, oui, de la phase régulière, si tu veux. Fin de phase régulière, entre guillemets. On peut dire comme ça. Voilà. Et puis, donc, Formule 1, on le disait, c'est un grand prix à. J'ai oublié le nom, qui aura lieu ce week-end. Silverstone, je crois. Ouais, c'est ça. Silverstone, ouais, en Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Tout à fait. Et en MotoGP, c'est la pause jusqu'à la semaine prochaine. On va se quitter là-dessus. Un dernier titre avant. Et l'USO, c'est contre Épinal qu'ils ont perdu. Voilà, 2-0. Pas de but. Bon, c'est le premier match. On finit par quoi? On finit par quoi? Un petit Gainsbourg. Ah ouais? Un petit Gainsbourg. Ah ça me fait bien plaisir. Avec No Comment. Ah, j'allais dire Love and the Beat. On était dans, dans le même registre. Allez, No Comment. Et moi j'allais dire autre chose encore, mais c'est pas grave. La Javanaise, t'aurais dit. Non, j'aurais dit si Sex and Son, mais. Oh non. Ouais, ouais. Mais bon. C'est trop entendu. Oui. Oui, bah oui. Tu m'avais dit? Tu m'as dit? No Comment. No Comment. Ok. Bah justement, il n'y aura pas de commentaires. Et quoi d'autre? Et affirmatif. Rendez-vous la semaine prochaine. Il est presque 22h déjà. Les gars, merci. Bonne soirée. Bonne nuit. Merci à toi. Bonne soirée à toi. À très bientôt, mon petit Rémi. Passe une bonne semaine. Vous aussi. Et puis, bonne nuit pour Avec la NBA. On va bien s'amuser. Bonne nuit à vous. Ciao. Prenez soin de vous. Ciao, bye. Ciao, ciao. Si je baise, affirmatif. Quoi, c'est bon? Des salopes, affirmatif. Des actrices, des gamines, affirmatif. De quel âge? Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Affirmatif. Pour qui ça? Pour des études, affirmatif. Et qui d'autre? Brune, blonde, affirmatif. Et routine. Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'assure, affirmatif. Quoi? Tout seul? La technique? Affirmatif. Du doigté? Self-control? Affirmatif. Comment ça? Quoi d'autre? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté? Peu importe, affirmatif. Ce que je peux faire? Obsédé, affirmatif, sexuel. Si j'assure, affirmatif, quoi, tout seul. La technique, affirmatif. Du doigté. Self-control, affirmatif. Comment ça? O horário de trabalho pode ser reduzido em 70%. Período de agosto a setembro, teremos um modelo para este.